Si on peut être professionnel deux secondes, si ça vous dérange pas. Ah, quand même, c'est incroyable. Tout le monde discute. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Ça a démarré. Soyez les bienvenus. Oh là, on est en avance. On est en avance de deux minutes. Bah, normalement, c'est les animateurs qui sont chargés de la tranche d'avant qui sont censés combler. Hein. Ah, tu veux dire que Emeric est un tocard et que Enora ne l'a pas aidé? Bravo, bah, bien. Je pense qu'ils nous ont mis 1 minute 30 dans la vue. Boycottage l'année prochaine. C'est officiel. Ah là, c'est vrai que 1 minute 30 avant, du coup, les gens vont être décalés. Les gens ne vont pas savoir quoi faire. Surtout, on a préparé cette émission à l'américaine où tout est timé à la seconde près. La moindre intervention, et le moindre jingle. Il y a des gens qui savent qu'à 22h, ils font un truc bien précis à 22h00. Je pense à ça. C'est la cinquième saison. 5 ans qu'on vient, qu'on fait le plan A3. Ouais. Ils savent qu'on ne supporte pas de démarrer, pas à l'heure. On le sait. Ils le savent. Ouais, et je le vois là-bas, il se cache, Emeric Berco, bien sûr, évidemment. Mais oui, une minute avant. Emeric Berco, tu vas retourner au Studec. Vous avez deux minutes. Ben voilà, et ces deux minutes-là, à quoi elles servent? Eh oui, alors comble maintenant, petit gars. Nous, on avait un truc timé à 2h pile. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est dans la merde. Et voilà, et qu'est-ce qu'on fait de ces 45 secondes? Est-ce qu'elles ne serviraient pas à donner le montant, pour l'instant, des dons que nous avons récupérés depuis hier? Eh bien, je vais te le donner. On en est à 3 euros. On a un souci. 300. On ne doit pas passer cette saison, c'est pas possible. Et encore ma mère a donné un. Comme tous les ans. 321 170 euros déjà collectés. C'est pas possible. Mais je crois que par rapport, c'est le plus gros chiffre à ce moment-là depuis les 5 saisons. Ce matin, on était à 150. On a pris 150 depuis ce matin. Alors moi, j'ai fait un chèque de 150 000, mais je suis. En revanche, je vous annonce, je pars en prison demain. Non, on a eu des aides. Peut-être pas de l'État, mais on a eu des aides. C'est vachement bien. Même venant de l'étranger, on dira pas d'où. Hein. C'est bon, on est à l'heure. On peut démarrer, il est 22h. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Et nous écoutons. Et nous le rendons. Que les Restos du cœur ont des c'est parti. Ah, attends, on va l'arrêter, on va le remettre. Attends, je le remets, je l'annonce. Soyons un petit peu professionnels. S'il vous plaît. Et nous écoutons. Et nous écoutons les 3 minutes d'info réalisées par les étudiants de l'IGENCIA. Merci. Saviez-vous que les Restos du cœur ont des activités autres que la distribution de repas? L'association a diversifié ses services pour répondre aux demandes toujours plus nombreuses des Français dans le besoin. Je m'appelle Aga Jaco, je suis étudiante à l'ISCPA de Lyon et je suis allée me renseigner. Selon vous, quelles sont les actions menées par les Restos du Cœur? Je suis allée poser la question aux Lyonnais pour le savoir et vous allez l'entendre, les réponses ne sont pas très étonnantes. Des repas qui sont distribués ou des points de collecte. Du coup, de la distribution de repas, de la distribution de vêtements, je pense. Après, je ne sais pas s'il y a des solutions pour aider les personnes à trouver de l'emploi ou ce genre de choses. Et des distributions de repas, principalement. Justement, au fait de donner à manger, mais il y a aussi l'accompagnement en insertion, je crois qu'il y a une aide au logement. Donc, je pense à Banque Alimentaire, donc. Je pense à Banque Alimentaire, peut-être Vestimentaire. Vous l'avez entendu, pour beaucoup, la mission des Restos du Cœur s'arrête à la distribution de repas, mais en réalité, une multitude d'autres actions sont mises en place. On fait le point avec Jocelyne Fournier, RH au siège lyonnais de l'association. L'activité centrale des Restos du Cœur, c'est bien l'aide alimentaire. Et un deuxième pilier qui est l'insertion professionnelle. Ça fait partie des missions que Coluche voulait. C'était à la fois donner à manger, mais pas que. Donc donner du travail, aider à avoir un peu d'estime de soi. Alors, on a tout ce qui aide à la personne. Et dans l'aide à la personne, il y a le microcrédit, l'estime de soi, l'aide à la recherche d'emploi, le vestiaire, les ateliers de français. On accueille des personnes, on leur donne pas seulement à manger, on leur donne aussi tout ce qui fait que dans la spirale de l'insertion dans la vie, dans la société, que les personnes se sentent de mieux en mieux. C'est pas qu'une aide alimentaire qui rend un peu dépendante, c'est une aide qui rend autonome. Et parmi ces autres services, nous retrouvons le vestiaire, un principe simple dont le but est de permettre au plus grand nombre de reprendre confiance en soi. Marie-Louise, bénévole, nous explique son fonctionnement. Vous aviez rendez-vous ? Les gens viennent tous les deux mois, ils ont droit à 5 vêtements, alors des fois on est large. Et donc on les habille de la tête aux pieds. On a les vestiaires hommes, femmes et enfants. Le vestiaire n'est pas réservé aux gens du centre, ils sont réservés aux gens qui arrivent. N'importe qui peut venir au vestiaire, on les servira. Une nouvelle forme d'aide donc devenue nécessaire pour les personnes accueillies que j'ai pu rencontrer. Sont aidés nous parce que j'ai besoin. Ah non, j'ai trouvé. Je suis content de ce qu'il m'a donné. Ben, ça m'apporte parce que je n'ai pas les moyens pour acheter des vêtements pour mes enfants. Donc, je peux venir trouver des petites choses pour les habiller. Parce que ça nous arrange beaucoup parce que nous, on est asile, nous ne gagnons pas si tu ne travailles pas. Donc, Les gens vous donnent le nourriture gratuitement et puis les habits aussi gratuitement, ça m'arrange beaucoup, quoi. Vous aussi, vous pouvez aider les Restos du Cœur en donnant vos vêtements dans les points de dépôt près de chez vous. Radio Resto. Radio Resto. C'est nous, soyez les bienvenus, il est 22h03 et c'est parti, nous sommes là depuis 20h hier soir. Depuis 20h, oui. Il faut que tu allumes ton micro, vraiment. C'est vraiment le truc qu'on te dit, c'est un détail de radio, mais vraiment ça t'aidera. Allô. Comme tous les ans, depuis 5 ans maintenant, c'est la 5e saison de Radio Resto, c'est ce qu'on appelle le plan A3. Ouais. Avec le créateur de Radio Resto, celui qui a eu l'idée de génie de créer Radio Resto, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est Laurent Petit. Un génie, voilà, exactement. Il est là. J'ai eu cette sacrée idée et quand je l'ai proposé au resto, eh ben, ils m'ont dit allez, on y va, on le fait. Et donc là, j'étais un petit peu dans la panade, donc j'ai appelé deux amis, Bruno Guillon, Emmanuel Lévy. Je leur ai dit moi, je n'y connais rien, ces histoires de radio d'aujourd'hui, toutes les techniques d'aujourd'hui, les gens, les jeunes, je ne comprends rien. Les mots d'aujourd'hui, évidemment, même puisque tu utilises le mot panade. Donc voilà, c'est un travail à trois, c'est un vrai travail à trois et aujourd'hui, il y a toute une communauté. Laurent, je voulais juste te présenter, ferme ta gueule maintenant. Mais. C'est quoi en fait? Laisse-le, puis on s'en va. Il y a une communauté d'amis qui reviennent chaque année. Bien sûr, mais voilà. C'est vrai. Il y a plus de 50 animateurs radio radio confondus depuis 20h hier soir jusqu'à dimanche 20h. Et c'est notre moment à nous où on est heureux d'être là. C'est ce qu'on appelle le plan A3 avec Laurent Petit-Guillaume. Mais voilà. Tu as besoin de reparler encore pour nous raconter la création. Non, c'est vrai, c'est notre maman, notre moment, moment à nous. Ouais. Je vous explique après. C'est aussi à vous, ce bien moment. Sûr, ouais. Exactement. Avec Bruno Guillon qui est là. Évidemment. Bonjour. Moi, je vais être beaucoup plus, tu vois, carré. Bonjour. Non, je vais ça me fait plaisir ce soir. Non, de vous retrouver. Sérieux. Il faut qu'on explique quand même qu'à chaque fois qu'on fait le plan A3, on a une petite particularité, c'est qu'on va manger tous les trois. Et oui. Et à chaque fois, on boit très peu d'alcool, mais à chaque fois, avec Laurent, on dit voilà, on prend un verre. Oui. Et un seul verre, déjà, il est bien. Et ce soir, au milieu du repas, j'ai commandé de l'eau et il a dit non, on va reprendre un Sprite. Alors, il l'avait. Un peu moins bien articulé que ça. Mais effectivement, vrai, nous avons un Laurent Petit-Guillaume ce soir, non pas avec 0,5, non pas avec 1, mais avec 2 spritz. Non, alors, à consommer avec modération, évidemment. Et je ne le conseille à personne. Moi, ça m'arrive qu'une fois par an. C'est là. Bien de notre mission, encore une fois. Alors, ce soir. Il faut savoir que ce moment, le plan A3 le samedi, est un moment que les gens attendent. Ouais. Que tous les gens qui travaillent avec nous depuis 5 ans maintenant au Resto du Cœur sont là. Ils l'attendent, ils veulent ce moment parce qu'ils veulent voir Laurent Petit-Guillaume comme rarement on le voit. Je ne balancerai pas les noms de tous les gens des Restos du Cœur, dont Patrice, le patron de Resto, voilà. Déjà dans un premier temps. Qui sont là et qui même hier soir m'ont dit rendez-vous demain soir. Parce que je change physiquement, pas moralement, pas psychologiquement, mais je change physiquement, comme une transformation. Comme regarde, je me comprends pas. Le chétane. Ça va être tellement beau. Ouais, soyons sérieux, deux minutes, soyons sérieux. On est là. Vous pouvez nous rejoindre. Un numéro de téléphone, c'est le 01 850 90 600. Je le répète, 01 850 90 600. C'est très compliqué ce numéro. Avant, on disait, voilà, 827 42 34. Et... Quand il a commencé la radio, Laurent Petit-Guillaume, c'était même deux chiffres. Il disait, voilà, vous appelez Boileau 44 72. Alors. C'était pas très honnête parce que quand il a commencé la radio, il n'y avait pas le téléphone, il y avait des signaux de fumée. C'est vrai. Et c'était très compliqué pour joindre les radios à cette époque-là. Non, il y avait 3615, code. Ouais. Ah oui, le Minitel, bien sûr. Oui. Et puis tu t'offrais des francs. Oui, obligé. Alors non, il offrait des sesterces. Mais quand tu venais bosser à la radio, tu faisais la nuit en plus au départ. Il y avait les loups, comment tu faisais? Non mais t'avais un chevalier qui suivait. Il y avait un gars en armure qui t'évitait de te faire attaquer. Le chevalier Bélanger. Mais bien sûr. C'est vrai, tu te souviens, Manu? Mais oui. Il était tout petit, il s'en souvient. Il était tout petit, mais il venait nous voir quand même. Si vous avez envie de venir avec nous, 01 850 90 600, venez, n'hésitez pas. Non, si, hésitez. Et je vous rappelle que si on est là, c'est quand même pour. C'est important, rappelons-le, c'est pour les Restos du Cœur. Alors, Laurent, vas-y. Je crois que tu peux nous expliquer ça clairement, Tu peux nous expliquer les Restos du Cœur. Qui a lancé les Restos du Cœur, Laurent? Un humoriste. Mais non, mais c'est Coluche, évidemment. Oui, bravo. Moi, je reste sur cette vanne. D'ailleurs, quand on a créé Radio Resto, on a eu notre premier rendez-vous au Resto du Cœur. Il y a un gigantesque portrait de Coluche dans le bureau, dans la salle de réunion, mais qui fait genre 3 mètres sur 2. On s'est assis. Fallait qu'on fasse nos preuves. Et la première chose que Manu a dit, c'est: mais c'est qui ce gars? Alors, au début, ça a un peu fait. Il y a eu une petite tension. Ouais. Et après, ils sont après, ils ont compris. Mais donc, vraiment, c'était ça. Les Restos du Cœur ont besoin de nous. Nous, on s'est comme ça regroupés depuis 5 ans pour leur donner un petit coup de main, essayer de trouver des dons. Et on a, voilà. Et cette année, la grande cause, c'est la petite enfance. J'en dis pas plus à toi, Manu. C'est très important et c'est très simple en même temps. C'est que il y a pas que les adultes qui ont besoin d'aide. Il y a aussi les enfants, les parents, des mamans, des papas qui viennent aussi au Resto du Cœur et qui parfois, et on a visité avec Laurent un centre bébé resto. Mais en fait, ils arrivent, ils disent voilà, on n'a pas de quoi nourrir notre bébé. Ils ont accueilli, je crois, 126 000, le chiffre exact, 126 000 bébés l'année dernière. De 0 à 3 ans. Et notre but, c'est de pouvoir leur donner un maximum de kit bébé. Un kit bébé, c'est du lait. Des petits pots, des couches et une soirée ambiancée par Laurent Petit-Guillaume. 126 000 soirées ambiancées par Laurent Petit-Guillaume. Si je pouvais le faire, franchement. Non, mais c'est ouf, il y a un enfant sur cinq en France qui vit au-dessous du seuil de pauvreté. C'est pour ça qu'on a décidé de partir sur cette cause-là avec les restos cette année. Et surtout, rappelez que les dons sont défiscalisables. C'est-à-dire que quand vous faites un don de 100 euros, ça vous coûte que 25. À vous, il y a 75 euros qui sont défiscalisés automatiquement. Et quand vous donnez 25 euros, c'est un bébé qui est accompagné pendant 3 mois. Ouais. Quand vous donner 100 euros. Oui, non, mais je veux dire, après la défiscalisation. Mais ça, faut que tu le précises. Il vient de le dire, en fait. Ah oui, c'est bon. C'est important. Donc voilà, on est là, on rigole parce qu'on fait de la radio, on a besoin aussi de se divertir, mais c'est pour la bonne cause. Donc évidemment, on va vous demander de faire un petit don, plus un petit don, et un gros don. Comment fait-on pour faire un gros don? C'est très simple. Vous allez sur l'application, peut-être que vous nous écoutez déjà et que vous nous voyez, vous nous pouvez nous regarder aussi sur l'application Radio Resto. Vous allez sur radio.restoducœur.org. Et puis voilà, et vous pouvez faire des dons, vous pouvez nous voir sur YouTube. On va être là avec vous jusqu'à minuit. Oui. Parce qu'évidemment, le but, c'est qu'il y ait un maximum de dons qui puissent être faits jusqu'à demain 20h. On en est à 321 200 euros. C'est bien. C'est quand même vachement bien. Vraiment, bravo à vous. Évidemment qu'on peut faire mieux. Et c'est de se marrer. Et c'est aussi, ces 48 heures, au départ, aussi une grande fête de la radio avec des gens qui ne font pas de radio ensemble d'habitude, qui sont même concurrents, puisque Bruno et moi, on est concurrents le matin. C'est toi le mec sur Énergie ? Ouais. Oh, t'emmerdes pas avec ça. Putain, c'est gênant. Mais j'avais jamais capté. Je me disais, c'est ouf la voix. Il a une vilaine tête, mais. Il fait une audience de dingue. Et pourtant, mec, il est pas joli, joli. Pas du tout. Et on est là, tous ensemble. C'est une grande fête de la radio. Juste avant nous, il y avait Emery qui est sur Skyrock. Ben voilà. Et on est tous ensemble. Et je très honnêtement, je surkiffe ce moment. Ben, pareil. Et on est là toute la journée pendant 48 heures. Et c'est magnifique. Vous voulez venir avec nous? 01 850 90 600. Et c'est notre petit truc du plan A3, on a toujours des jeux à la con. Il y a un concept. Alors, on a plein de jeux à la con. Je tiens à vous dire que j'ai même prévu, à l'insu de votre plein de gré et du mien, un blind test. Oh, alors ça, c'est difficile pour moi. Un blind test sur les années 80-90, parce qu'avec Manu, on s'est déjà pris la tête sur des blind tests, donc je sais pas ce qu'il y a. Non, mais toi aussi, t'es très bon. Non, mais toi, t'es meilleur. Je t'avais battu sur Europe de Final Countdown. Ah, ça, je connais. Ah, putain, c'est quelle honte d'être battu là-dessus. Vrai, voilà. Ouais. Bien sûr, c'est vrai. On fera un blind test. On a plein de petits trucs, des petits jeux de cartes qu'on. On peut expliquer le concept du blind test. Du blind test. Alors, le blind test. Non, c'est quoi? Parlons-en du blind test, Laurent. On peut expliquer le concept du blind test. Oui. On écoute un extrait. Oui. Et le premier qui répond et qui dit que c'est à gagner. Voilà. Effectivement, bravo. Changeons le concept. On écoute un extrait et le premier qui répond ce que ça n'est pas a gagné. Alors ça, je vais gagner. Il faut que ce soit le plus éloigné possible. Ah, ça peut être pas mal. C'est le plus éloigné possible. C'est un nouveau truc. Tiens, par exemple, envoie juste un extrait. Tu vas voir, Laurent, tu vas te comprendre. Vas-y, envoie n'importe lequel. Attention. Il faut dire son prénom en premier. Bruno. Ouais. Francis Cabrel. Non, pas du tout. Non, les Rolling Stones. Oh non, putain, oui. Il a raison. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est que lui. C'est. Richard Anthony. Ouais, mais ça on le sait. Mais t'avais dit années 90 et 90. Ouais, ça c'est les 60. Bah, ouais, bien sûr, c'est les années 60. Ça c'est bien la Rolling Stone. Allez, vas-y, on le fera tout à l'heure, mais maison un autre, vas-y. Vas-y, attention, n'importe lequel, vas-y. Ah, non, ça ne part pas. Ah, on peut pas faire deux à la suite de l'autre. Vas-y. Ah, Bruno. Madonna. Nicoletta. Mais non, mais Madonna, c'est la vraie réponse. T'es con. Il n'a pas compris. Le but, c'est de trouver la mauvaise réponse. Ah oui, c'est vrai. Il y a pas de mal. C'est Nicoletta, Fio Maravilla. Alors, je suis désolé de vous annoncer, mais non, c'est les Rubettes. Oh putain, Sugar Baby Love. Bah oui. J'adorais. T'as raison, bien sûr, évidemment. Fais écoute. Évidemment. On reconnaît. Je déteste perdre. On en fait juste un dernier et on fera le blind test tout à l'heure. J'ai compris le jeu. Okay, un dernier. Allez, vas-y. Allez. Oui, je l'ai. Moi je aussi. Un peu. Une blonde. Ah, Bruno. Sylvie Vartan. Hein? Sylvie Vartan. Non, moi, les brunes préfèrent les blondes. Non, Bruno. Non, c'est pas ça. My Bond. Ah, alors, oui. Moi, je pensais que c'était Oasis. Ça, c'est My Bond. Je suis désolé. Allez, My Bond, on le prend. C'est vrai que la voix. Bah, c'est My Bond. Excusez-moi. Bah, vous l'avez reconnu. On a égalité. Écoutez, ça fait un partout. Si vous voulez jouer avec je nous. Je me souviens quand il est mort, Mike Brandt. Les filles du lycée voulaient se jeter du haut. Ouais. Bah non, c'est une mauvaise idée. Pour le suivre. On se partage ou pas? L'avantage de ce jeu, c'est que n'importe qui peut jouer. Évidemment, bien sûr. Un petit dernier pour se départager. D'accord. Allez, allez, attention, je me concentre. Ok, on y va. Ah, ben bah, Bruno. Je l'ai. Alors, on va dire Manu. Vas-y. C'est les enfoirés. Non, non. Jean Ferrat. Non. La mère de Jean Ferrat. Non, pas du tout. C'est les compagnons de la chanson. Ah, pas mal aussi. Les six compagnons de la chanson. C'est toujours lui qui gagne. Ah, mais il est fort. Mais j'avais dit qu'il était fort en blind test. Mais je t'avais dit, hein. Bien sûr. Il est trop fort. Ça, c'est bon. Ça va être comme ça jusqu'à minuit, hein. Je vais pas pouvoir. Ouais, moi, ça peut même aller plus loin. Est-ce que vous voulez qu'on fasse. On commence par un petit jeu du cul ou pas? Ou t'as le tien? C'est toi qui vaut. C'est toi qui dis, Manu. Comme vous voulez. Ce qui vous fait plaisir. Tu veux faire un petit jeu du cul pour démarrer? Un petit jeu du cul. Allez, alors, rappelons les règles du jeu du cul. Alors, les règles du jeu du cul, c'est extrêmement simple. C'est un jeu qui a été élaboré par deux étudiants à la base. Ils m'avaient amené le truc. J'avais dit, ce truc est très drôle. Ils l'ont sorti en jeu. Maintenant, ça cartonne. Ils sortent des boîtes tous les ans. Je donne une proposition. Enfin, plutôt, je vous donne une catégorie. Il faut citer des propositions. Est-ce que t'es prêt? Non. Lolo, t'es prêt? Non. Vas-y. Alors, une catégorie de quoi? Mais tu vas voir. Par exemple, cite-moi trois raisons de faire boire ta mamie chérie. De faire boire ma mamie? Ouais. Mais elle est morte. Une bonne raison, c'est de la faire revenir, par exemple. Peut-être. Bah oui. Alors, bah, oui, pour qu'elle revienne. Ouais, déjà. Très bien. Parce qu'elle est rigolote, elle chante la Marseillaise en breton quand elle est saoule. Ouais. Voilà. Et puis parce que au moins là, elle se lèvera de son fauteuil à ce moment-là. Ok, très bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Ça fonctionne. Manu, cite-moi trois choses que tu peux tailler. La bavette, bien sûr. Que je peux ou que j'ai déjà. Non, pas que t'as déjà. On taille de la pierre. Ouais. Bien évidemment, on peut tailler la pierre. Ouais. Je sais. Qu'est-ce que tu dis? Un costard? On dit pas tailler un costard? Tailler un costard, oui, on peut tailler un costard aussi, absolument. Ça marche. Ouais. Très bien, sûr. Très bien, très bien. Laurent? Oh non, toujours moi. Cite-moi trois chanteurs ou chanteuses qui auraient mieux fait d'être muets. Ah, c'est pas évident, oh, ça. Oh, si, il y en a plein. Alors, C'est pas très gentil. Lara Fabian? Ouais. Bon alors? Bah quoi? Bah, je dis au hasard. C'est le jeu, bien sûr. Voilà. Il dit au hasard, mais il réfléchit pendant 10 minutes. Mais non, mais parce que bon, faut pas que ça crie trop fort, moi, sinon ça me fait mal aux oreilles. Ah, c'est même si ou ça alors, crie quand, pas. Quand ça frère crie la pas, Carla Bruni, déjà, moi, j'aime bien ce qu'elle écrit, mais bon. Ouais. Et ah oui, Flo. T'as du mal à dire. C'est pas facile, il est tellement long ce prénom en même temps. On rappelle qu'on a un Laurent Petitguillaume qui a bu un spritz et demi ce soir et qui ne boit jamais d'alcool. À consommer avec modération. C'est pas très gentil pour Lara Fabian. Non. Ouais, parce que je l'aime bien quand même. Bah voilà, bah, tu peux retirer, hein, c'est pas grave. Ouais, voilà, je retire ça Lara Fabian. Tu retires Lara Fabian. T'en manques un du coup. T'as qu'à dire à un mec qu'on connaît pas. Edith Piaf. Voilà, très bien. Elle viendra pas te faire chier, tu vois, c'est réglé. C'est pas la même personne que ta grand-mère, juste pour savoir, pour la question d'avant. Je fais jouer Manu. Allez, vas-y, un petit dernier. Trouve deux façons de sauver Jack du Titanic. Hein? Ah oui. Sauver Jack, bah lui envoyer. En fait, sortir quelqu'un qui est accroché sur un autre radeau, dire désolé, il était le réservé. Jeter, bien sûr. Voilà, jeter, et récupérer Jack. Oui. Ouais. Appeler Oum le dauphin. Le dauphin, bien sûr, aussi, bien sûr, évidemment. Ouais. Ou alors, effectivement, c'était trouver un animal, réussir vite à en faire un animal de compagnie, à mettre Jack dessus, et ensuite, il se sauve avec cet animal. Ça peut être un dragon, par exemple. Ou Skippy le kangourou. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, le dragon. J'aimais le dragon, Skippy, c'est pas mal. Le kangourou, et je regardais toujours Oum le dauphin. Nous parlerons... Nous parlerons des séries télé que plus personne ne connaît et que Laurent Petitguillaume regardait régulièrement lorsqu'il était déjà adulte. Ce sera dans 5 minutes. C'est Radio Resto et on est avec vous. C'est Plan A3 jusqu'à minuit. On va s'écouter Les Enfoirés. On met un petit peu d'eau sur le front de Laurent. Laquelle? Est-ce que ce serait pas Aimer à perdre la raison? Mais bien sûr. Magnifique. La version live. L'Actari, il y avait la Lyonne Clarence. Oui, on s'en souvient. Ça suffit. On s'en souvient, bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est beau ça, chut, tais-toi. Va falloir changer le pantalon de Laurent, apparemment, il y a un problème de. Pas que. Savoir que dire, à n'avoir que toi. que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé. Mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Et de leur nuit, ma nuit se fonde. Ensanglantés. Qui me dit c'est qui chantait ça? Je dis Jean Ferrat, il me fait non. Alors, c'était les Beatles, le nouveau Beatles qui vient de sortir. Je savais que c'était quelqu'un. Radio Resto saison 5, ensemble. Ensemble pour financer le maximum de kits bébés. Ah oui, c'est le principe. Attends. Oui, tu veux que je rafraîchisse un petit peu? S'il n'y a pas eu un petit 5 euros en plus. 321 210 euros, c'est ce que nous avons collecté grâce à vous depuis hier soir 20h. C'est Radio Resto, c'est la saison 5. Vous pouvez, pour faire vos dons, je vous le rappelle, le faire sur l'application Radio Resto. Oui. Et sur le site radio.restoducœur.org. C'est anonyme. Oui, c'est anonyme, oui. Enfin, tu fais ce que tu veux. Enfin, c'est pas très grave. En même temps, c'est pas assez. De rencontre, tu vois ce que je veux dire. C'est pas grave. Tu peux faire un don, même si on sait que tu l'as fait. Oui, c'est rare les gens qui disent ah, le con, il a fait un don. Tu vois, c'est pas. Des gens qui. Et c'est tout bien cette voix, tu devrais essayer de la garder. Il y a des gens qui préfèrent que ça soit anonyme. Bien sûr, le répond pas, il va se lasser au bout d'un moment. C'est le plan à 3, c'est notre émission avec Laurent Petit-Guillaume, avec Bruno Guillon et avec moi, je m'appelle Manu, bonjour. Et on va avoir tout à l'heure la possibilité de rajouter, si je dis pas de conneries, c'est 60 000 euros. 60 000 euros au jeu du question pour un gros don. Question pour un gros don. Essaye pas de faire des phrases avec trop de mots. Le concept du jeu est simple, vous nous appelez. Un numéro de téléphone, c'est le 01 850 90 600. On vous pose des questions, vous avez trois bonnes réponses. Et ça met 60 000 euros en plus au compteur. C'est grâce à la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui sont pas les derniers pour nous aider. Oui, mais raconte le concept de question pour un gros don. Tu vois, quand je veux, je. Mais il vient de le lire. Je viens de le lire, en fait. Non, tu n'as pas parlé des trois questions. Si, je viens de le dire. Si, ah bon. Il vient de le dire. Ah, c'est marrant. Est-ce qu'on peut pas. L'année prochaine, on fera un radio resto et en parallèle, on fera un radio Alzheimer. C'est-à-dire qu'on mettra, Laurent dans un studio, il passera un seul disque qui désannoncera toutes les deux minutes. Il est bon à loi de rappeler le principe de cette émission qu'on fait maintenant depuis la première saison avec Bruno et Laurent. C'est qu'on va dîner et en fait, au dîner, Laurent prend un verre d'alcool. C'est vrai. C'est pas vraiment de l'alcool, hein, c'est un spritz. Voilà. Et en fait, ça lui tient pour une semaine. Ouais. Et donc il est en grande c'est forme. C'est la fatigue, je sais pas du tout ça. C'est la fatigue, je suis là depuis hier soir 20h. On a Julien au téléphone. Ah, Julien, alors Julien. Eh oui, 01 850 90 600 si vous voulez venir avec nous. Julien, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Manu, bonsoir Bruno et bonsoir Laurent. Comment ça fait plaisir de vous avoir au téléphone ce soir. Bonsoir Julien. Mais alors, nous aussi ça nous fait plaisir de t'avoir au téléphone Julien. Alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. On a travaillé aujourd'hui. Peut-être. Attends, excuse-moi Julien, je t'arrête. Je rappelle le concept du téléphone à Laurent Tillio. En fait, le principe, c'est des gens qui parlent dans un appareil qui a un émetteur-récepteur, oui, somme toute, mais oui, qui n'utilise plus la technologie filaire depuis maintenant une trentaine d'années et qui peut nous parler, coup, mais alors de façon lointaine, sans que je le vois, sans que tu le vois. Alors, on peut rajouter que maintenant, on peut aussi se voir grâce à une nouvelle technologie qui s'appelle la visio. Exactement, la visioconférence. Ah, pas trop de Teams, tout ça, je comprends rien. Ça a été développé beaucoup pendant le Covid. Non, j'aime pas ça. Non. Alors, Julien, d'où appelles-tu, s'il te plaît? Alors, j'appelle de Brie-sur-Marne. Ah, désolé, on ne prend pas les gens de Brie-sur-Marne ce soir. Au revoir, Julien. N'hésitez pas à nous appeler 01 850 90 600. On avait dit, hein, pas la. Pas de Brie-sur-Marne, on est désolé. Il y a plusieurs villes comme ça. Vissou non plus. Hein, non, Vissou ce soir, c'est interdit. Ah, peut-être de Valenton, on pourrait. Valenton, avec plaisir. D'ailleurs, prenons que des gens de Valenton. Julien, oui, tu nous appelles d'où? De Valenton. Non, alors du coup je continue de Brie-sur-Marne. Non. Tu es né où, Julien? Tu es né à Levallois-Perret. Tu nous appelles de Levallois-Perret. Bon, c'est à côté de Paris. Voilà. C'est proche, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ben moi, je trouve ça super sympa que trois animateurs radio aussi balèzes que vous faites des belles choses comme ça pour les Restos du Cœur. Je voulais vous féliciter. C'est gentil. Mais c'est pas pour nous, hein, c'est pour ceux de l'avant. Il y avait... C'était pour Emmerich. Si tu veux nous féliciter pour ce qu'on fait ce soir, j'ai du mal à comprendre. Hein. Non, mais franchement, c'est très très important. L'hiver, en plus, arrive bientôt, il va faire froid, on va déprimer. Et il y a plein de gens dehors, malheureusement, encore à cette époque, et c'est trop trop triste. Franchement, c'est triste. Ben oui, bien sûr. Alors j'encourage tout le monde à donner dans les magasins, parce qu'ils font des couettes. C'est ce que je fais moi-même. Ils font des couettes, des pâtes, des collectes. Mais il a pas le forfait voyez, les consonnes, donc il y a des lettres qui s'enlèvent de temps en temps. Il y a des magasins qui font des couettes. C'est à cause de Brie-sur-Marne, ça. C'est quand t'habites Brie-sur-Marne, t'as pas le forfait voyez, les consonnes. Et voilà. C'est pour ça, je pense. Voilà. Donc, est-ce que tu dis bien, hein. C'est vrai, t'as raison. Bien évidemment, faut aller. Non, faut surtout faire un petit don sur notre site, voilà. D'accord. Et un petit don sur le site, bien sûr, ça c'est obligatoire. Même aussi, un petit 5€, tu vois. Bien sûr. Même 10€. Ça fera toutes les petites pièces qu'on mettra bout à bout, ça fera un grand paquet pour faire plaisir aux gens qui en ont besoin. Et ça, c'est important. Bien sûr. Julien, tu fais quoi dans la vie? Visiblement pas prof de français. Je suis cuisinier. Alors cuisinier dans un restaurant ou dans une cantine? Alors dans un restaurant d'entreprise. Ah, d'accord. Très bien. Bon, voilà. Bon, bah c'est génial. Et merci beaucoup d'avoir appelé Julien. Ouais. Merci pour ton message d'amour. Et franchement, vous assurez, vous êtes des bons animateurs. La classe, les gars. Bravo, bravo. Merci. Oh, c'est trop gentil, Julien. C'est dommage qu'il habite Brie-sur-Marne. T'aurais pas été à Brie-sur-Marne, on t'aurait fait un cadeau, mais là, vraiment, c'est. Brie-sur-Marne, c'est la SFP et l'INA quand même. C'est pas mal. Ah, je savais pas qu'elle avait la SFP et l'INA. Il y a l'INA. L'INA, comment? C'est quoi son nom de famille? Ça, c'est très drôle. C'est l'INA, je m'en rappelle. On va te décapiter maintenant. Pendons-le! Merci beaucoup, Julien, en tout cas. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir, les gars. On te souhaite une belle journée. Et comme Julien, vous pouvez venir avec nous. Notre numéro de téléphone, je le rappelle, c'est le 01 850 90 600. Vous pouvez venir avec nous. N'empêche, c'est rare maintenant les numéros qui commencent par 01. Effectivement. C'est une bonne remarque de Laurent. Il y en aura comme ça jusqu'à minuit. Il y a des 07. Il y a des 07, oui, absolument. Et d'autres encore, quoi. Il y a quoi, par exemple, comme numéro, Laurent? Si tu vas nous en... si tu peux le faire. Il va pas passer la soirée. Non, là, il est en train de s'étouffer. Ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire, c'est que... Oui. Maintenant, c'est rare, les numéros qui commencent par 01. Oui, c'est vrai, c'est de plus en plus rare. Tu dis toujours, t'as un numéro de... un numéro, oui, tiens, je te demande 06 ou mon 07. C'est vrai que c'est les portables, quoi. Et les 01, c'est les fixes. Je te donne mon 01. Oui, c'est vrai, je suis bête. Ah ben oui, c'est vrai. Ça va pas être facile. Ben moi, j'ai plus de 01, figure-toi. Non, mais moi non plus. C'est quoi ? Moi non plus. J'ai plus de téléphone alors, fixe. T'as un 01 ? Non, moi non plus. Bah, tu vois, c'est pour ça que ma réflexion était quand même assez intéressante. Il y a de moins en moins. Intéressante, non, mais elle est vraie. Bah oui. Mais bien sûr. J'ai un petit jeu. Ah, ça vient. En fait, le principe est très simple. Ouais. On est trois. Laurent, Bruno, moi. Et je pose une question à chacun votre tour. D'accord. Et vous dites, d'après vous, quelle est la personne de nous trois qui correspond le plus à ma proposition ? Ok, très bien. Bruno. Qui de nous trois suit toujours toutes les instructions à la lettre ? Moi. Pas moi du tout. Très cartésien. Ouais, assez. Pas, non, moi, pas moi du tout. Le mode d'emploi, quand t'as un nouvel appareil, tu lis le mode d'emploi avant. Ouais. Moi aussi, je suis comme ça. Oh, ma femme, jamais. Chance. Et ensuite, au bout d'un quart d'heure, elle fait, c'est en panne. Ouais. Putain, le mode d'emploi. Moi, c'est mon fils qui fait ça. Eh ben, moi, je fais ça. Tu sais, quand il a un jeu sur la PS, c'est horrible. Il joue tout de suite. Moi, j'aime bien regarder, hop, les touches, les machins, et puis après, j'y vais, quoi. Moi, j'ai racheté comme ça 8 imprimantes à la maison. J'ai ramené une télécommande un jour, mais il y a longtemps, ouais, pour la télévision, parce qu'elle ne fonctionnait pas. Et t'avais pas mis les piles ? Exactement. C'est quoi ? Je l'ai ramené. À peine surpris, en fait. Et ben, franchement, c'est marrant. Mais il y a longtemps, hein. Depuis, oui, je sais qu'on met. Il y a deux mois. C'est pas vrai. Mais c'est vrai, une de mes premières télés où il y avait des télécommandes, parce qu'avant, il n'y avait pas de télécommande, on se levait du canapé pour aller changer la scène. Bien sûr, avec trois numéros de téléphone. Tu vois, on disait, tu me files ton 32 ? Non, mais ça, je l'ai fait une fois. Je ne lis pas les trucs. Faut lire. D'abord, souvent, c'est en portugais. Mais il y a un mec qui s'est fait chier quand même à faire les modes d'emploi. Il y en a un qui s'est fait chier à faire les modes d'emploi et un autre qui s'est fait chier à tout traduire dans des langues qu'on ne lira jamais. Voilà. Eh ben, combien de fois vous tombez sur le livret pour comprendre la machine, comment elle fonctionne? Alors, là, et combien de fois vous tombez pas sur la langue française au début? Mais moi, je me régale, je lis en polonais et ça fait des échecs totaux. C'est que c'était ma grande vanne à une époque, c'était prendre les téléphones portables des potes et changer la langue et le mettre en slow-mi. Bien sûr. Le Swami, c'est vraiment c'est une langue, c'est des signes en fait. Il y a même pas de, tu vois, tu peux pas te raccrocher un A, un B ou un truc. C'est des trucs qui ne veulent strictement rien dire. Comme le braille. Un peu comme alors, le braille. Alors le braille sur un téléphone c'est plus rare. Ouais. Effectivement sur un écran tactile c'est pas. Ah oui c'est vrai. Il y a pas de mal. Laurent. Oui. Qui de nous trois devient millionnaire et claque tout? D'après toi. Ah bah ça pourrait être moi si je devenais millionnaire. Ouais, tu oui, claquerais tout d'un coup. Ah ouais, tout de suite. Oui, oui, tu dirais pas, je mets un peu de côté. Non, c'est pas le genre de la maison. Mais non. Depuis le temps que tu fais de la radio, t'as bien mis un peu d'argent. Ah bah côté, non, pas du tout. Moi j'ai rien. J'ai même pas de voiture. J'ai même pas de vélo. Quoi. J'ai pas d'appartement. Il claque tout. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Dans l'alcool. Ouais. Une fois pas dans les fringues, hein, visiblement. Non, on m'en donne. Mais non, c'est vrai, je suis pas du tout économe. Et puis je mets pas de côté. Bon, écoute. C'est bien, hein? Ouais, bah, mais c'est très bien, bien sûr. Voilà. Vous êtes pété de blé, donc évidemment, vous mettez de côté. C'est vous. Vrai aussi, bien sûr. C'est pas faux. T'as raison, hein? Mais on travaille pas sur les mêmes radios, hein? Tu sais, moi, je me fais cambrioler, hein, donc à un moment, faut les fournir, les cambrioleurs. Hein, tu vois, les mecs qui viennent pas te cambrioler pour une flic-flac. Hein, bah, il a le cœur sur la main. À un moment, voilà, quoi, tu vois. Tout simplement. Si tu imagines la déception. Ben, bien sûr. Tu vas dans un grand restaurant, on te sert un McDo, tu fais la gueule. Bon, ben, si tu vas cambrioler un animateur télé pour une flic-flac, les gens, ils sont en mode, oh, bah oui, mais enfin bon, quand même et tout, bah, je fais ça pour alors ça. Alors que là, gars, tu as fait une bonne action. Bah, évidemment. Ça s'appelle le respect. Ouais. Tout simplement. C'est de l'altruisme. Une troisième ? Non, je réfléchissais à la définition d'altruisme. Je sais même pas comment ça s'écrit. Une autre. Bruno. Oui, c'est mon nom. Qui de nous trois mange les restes de son burger de la veille au petit déjeuner ? Oh là là, bah, pas moi. Toi. À toi. À une époque de toi, ta vie. Toi, ouais. Les pizzas froides. Ah, ouais. Mais moi, j'ai eu vraiment une vraie période pizza. Ouais. Et en fait, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais en coloc. Et j'ai atteint un niveau dans la cuisine où je ne rentrais plus dans la cuisine. Il y avait des plantes qui poussaient dans l'évier. J'avais laissé toutes les assiettes, tout ça. Et en fait, vraiment, alors je vous l'annonce, si vous posez la question, au bout d'un moment, il y a une faune qui se développe, une flore qui se développe. Ah, c'est pas mal. Et il y avait des vraies plantes qui poussaient. Et je n'ai plus rien touché. Et j'ai fermé la porte de la cuisine et j'ai dit, je n'ouvrirai ça que lorsque je devrais rendre l'appart. Et je n'ai fait que commander à bouffer. Et à cette époque-là, je jouais aux jeux vidéo toutes les nuits. Je passais mes nuits. Oh. Et donc, je commandais à bouffer. Puceau, c'était ton époque où tu étais puceau. Oui, oui, mais il y a longtemps, il y a deux semaines. Ouais. Et donc, et je commandais à bouffer. Plus. Elle me disait, c'est pas possible, non, mais... sans en plus. Et je commandais tous les soirs. Et en fait, j'étais devant mon ordinateur, véridique. Je mangeais en même temps que je jouais. Et ensuite, le carton, je le posais derrière moi. J'ai créé la tour de Pise de carton de pizza et de Tex-Mex. Moi, j'ai même une anecdote sur Manu qu'on m'a racontée. C'est qu'un jour, donc, il bouffait de la merde tout le temps. Il a voulu se faire de la purée mousseline. Il avait plus de... Il avait plus... De, c'était de, un automne, alors. Non, j'avais plus de casserole. Il avait plus de casserole. Ah oui. Et donc, il a mis la purée mousseline dans le lavabo de la salle de bain. Oh, c'est pas possible. T'sais, il a bouché le lavabo de la salle de bain, il a mis la purée mousseline, il a mis de l'eau chaude et il l'a mangé dans le lavabo. C'est ce qu'on appelle la purée lavabo. Et alors, je dois rendre hommage au créateur de la purée lavabo, qui était mon coloc de l'époque, qui s'appelait Guillaume Guildu, qui un jour m'a dit, ça a été une révélation dans ma vie, il dit, mais mec, pourquoi tu connais... Pourquoi chier à salir des Mais je dis, putain, on peut plus rentrer dans la cuisine. Il me fait, tu connais pas la purée lavabo? Je fais, c'est quoi la purée lavabo? Il dit, c'est simple, tu prends un sachet de purée mousseline, tu mets ça dans le lavabo, tu fais cuire de l'eau chaude, et directement dedans avec une cuillère. Et là était née la purée lavabo. Et que quand on est là, t'es pas mal quand même. C'est revient loin, Manu revient loin. Il faut ouais. Mais de très. C'était pas gagné, hein. Et il nous a pas parlé de la mayonnaise salle de bain, enfin baignoire. Ouais. Ça peut être pas mal aussi. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est une belle histoire. Hein. Ouais, c'est joli. Laurent, qui de nous trois réagit de manière excessive à tout? Ça me rappelle une chanson de Bruel. Comment? Qui de nous trois? Non, c'est pas du tout ça les paroles. Qui de nous trois réagit de manière excessive à tout? S'il y en a un, il ne peut pas y en avoir. Pas moi. Je suis assez calme, regardez. Je suis assez zen, je fais du yoga, de la méditation. Mais ta gueule, putain! C'est fou quand même d'être si calme que ça. C'est vrai, il fait de la méditation, Laurent. Ouais. Ça marche bien? Ça. Ouais, ça a l'air de bien marcher. Allez, un petit dernier. Bruno, qui de nous trois serait d'accord pour jouer dans un film porno, d'après toi? Toi. Ouais. Non. Toi. Alors, je dis pas que l'idée, je la trouve pas délire, mais ouais. Je pense que je serais trop, j'aurais trop de pression. Je pourrais rien faire. C'est non, mais moi, les c'est, gens, c'est les... ouais, le stress, impossible, le stress des gens. Ouais. Ah ouais. Ça dépend de l'argent aussi. Hein. Non, mais non. L'argent, si on va te pas donne un million. Mais c'est pas une question de d'argent. Hein, c'est une question de juste de. Je ferais pas le job, quoi. C'est mécanique. Tu sais, t'as quand même 20 gars derrière, ils disent, Bernard, t'es beau au son, ouais, attends, quoi, bouge pas, là, joue d'un ou deux diaphs, là, dis donc, tu peux recentrer un peu, là, sur le cul, Bernard, tu vois, non, tu peux pas, toi, t'es en mode, non, c'est pas possible. Il y a des produits. Hein? Il y a des produits. Je sais pas, j'ai pas l'âge encore, Laurent, tu m'en raconteras. Oui, il a raison, enfin, c'est un cousin qui m'a dit que. 22h34, si on s'écoutait. Parce que. Petit gars de Brie-sur-Marne qu'appellerait. On va vous prendre au téléphone juste après, mais ouais. Laurent Petitgueux nous a préparé. Parce que c'est Laurent qui a préparé la programmation, musicale. Et il s'est dit, tiens, comme vous êtes bien, on va s'écouter un bon Bee Gees. Ah oui, c'est vrai en plus. Et on est samedi soir, Night Fever, j'ai envie de dire. Alors, aurait pu penser à ça? C'est pas synchro. Mais alors justement, tiens, puisque tu es un animateur de talent et de renom, tu vas faire ce qu'on appelle une synchro dans le métier. D'accord, tu vas faire un calage sur les Bee Gees. Ok, d'accord. Les Bee Gees, on est samedi soir. Vas-y, envoie la purée. On est les samedi soir. Lavabo. Et on va les danser tous ensemble ce soir. La boule à facettes, elle est prête. Ouais, vous avez mis votre plus beau costume, votre patte d'éléphant, votre chemise en satin bleu. Ouvrez-la un peu sur le haut. Allez-y. On est sur la piste de danse et on danse. On lève le bras, on met la jambe de côté et ça fait comme ça. C'est toi qui as fait la programmation musicale, oui, Laurent? C'est moi, j'ai une anecdote. Ah oui, alors, il faut que tu allumes ton micro. Attends. Il est 22h38, c'est Radio Resto. Et on est toujours là avec vous. Mais attention, c'est le moment maintenant. Une anecdote. De l'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. Attention, le jingle chanté. L'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. C'est l'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. C'est l'année quoi? L'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. L'anecdote de qui? L'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. C'est Laurent qui? Petit-Guillaume. Laurent Petit. Guillaume. Guillaume Petit. Laurent. C'est Laurent Petit-Guillaume. L'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. Ça vient des Night Fever, la fièvre du samedi soir. Quand c'est sorti, j'allais le voir à la Viatique du Bourget, qui existe toujours, mais c'est muré maintenant. C'est derrière le RER. On est d'accord que depuis 22h, il l'articule de moins en moins. J'allais le voir toutes les semaines. C'était l'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. C'était l'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. Je l'ai vu au moins 30 fois, et on allait avec les amis de l'école à l'époque. Et dans le... comment on appelle ça entre les sièges? L'allée. Oui, bah, c'est le principe. On faisait la Corée. On la connaissait par cœur. On faisait la Corée de John Travolta. Alors, ça est resté 36 semaines à l'affiche de la Viatique du Bourget. Elle est longue, l'anecdote de Laurent Petit. On a fait la même chose. Elle est longue, elle est vraiment bien trop longue. On allait à Aubervilliers. On allait au cinéma à l'Aubervilliers, au 4 chemins de Pantin. Tu vois, vraiment, c'est trop. Deux, c'est trop. Un petit jus du cul. Ouais, d'accord. Ah, ouais, on se fait un petit jus du cul pour le plaisir. Je vous rappelle que tout à l'heure, on va pouvoir, vous, grâce à vous, ouais, ajouter 60 000 euros aux dons collectés depuis hier 20h. Je vous le rappelle que nous en sommes à 321 470 euros collectés. Tout à l'heure, on va pouvoir rajouter 60 000 euros. Si vous voulez que ce soit grâce à vous, vous nous appelez au 01 850 90 600. Plus vous nous appelez, moins il y aura de place pour l'anecdote de Laurent Petit-Guillaume. C'est vrai. Merci, faites ça pour nous. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Laurent Petit-Guillaume. Alors, non, pas toujours moi. Je commence avec toi. Cite-moi trois choses, d'accord, que tu rêverais d'avoir à volonté. À volonté, tout le temps, dès que t'en as besoin, La première chose, des lunettes de toilette qui ne se décalent jamais. À volonté. À volonté. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui se décale, on la change. D'accord. Voilà. Ok. Putain, parce heureusement que t'as pas joué dans Aladdin, toi, hein, parce que honnêtement, on serait fait chier au niveau des vœux. Alors, et la deuxième. Je déteste ça. Alors, ce serait plutôt du chocolat à profusion. C'est-à-dire, je après, il a raison. Mais revenons quand même dessus. La lunette qui se décolle, ouais, et qui te pince la fesse sur le côté parce que tu glisses et clac. Si je peux pas être le vrai problème des lunettes de toilette, c'est que quand ta lunette de toilette, tu dois la changer. Oui. T'arrives au magasin, tu te dis je vais acheter une lunette de toilette, et là on t'explique que non, monsieur, c'est pas une lunette de toilette. Quelle est la mesure entre les fesses? Quelle est la mesure en haut entre les vis? Les deux trucs. Quelle est la mesure dans la diagonale, dans le truc? Et tu lui dis mais moi je veux juste faire caca, monsieur. C'est vrai. C'est compliqué. Autre problème, la lunette que l'on lève parce qu'on est comme ça et qui tombe. Alors, directement. Tu sais, tu l'as. Oui. Tombe. Ouais. Plus troisième problème. Ouais. Tu vas aux toilettes, au restaurant. La lumière s'allume et elle s'éteint automatiquement alors que tu n'as pas fini ce que tu as. Parce que tu restes longtemps quand même. Tu fais des gestes. Non, et ben des fois tu fais des gestes, ça ne marche pas. Mais t'as ton téléphone portable. Voilà, qui a pas vérifié le papier avec son iPhone avant de. Ben, bien sûr. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, après, mais parfois c'est vraiment un inconvénient. Le problème du papier, excusez-moi, vous n'avez jamais eu cette angoisse à un moment où vous tournez le rouleau, il n'y a rien qui sort et tu te dis, je vais rester là toute ma vie sans jamais pouvoir faire ce que j'ai à faire parce que le rouleau ne sort pas. Et en plus dans le noir parce que la lumière ne se rallume pas. T'envisages, ça je suis contre. Et la lunette qui te retombe dessus, quel enfer. Alors donc des lunettes à volonté, d'accord. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre à volonté? Il reste deux choses. Alors du chocolat. Ouais. Alors quel type de chocolat? Du chocolat noir à 70% parce que c'est celui qui ne fait pas grossir. Qui est bon, qui ne fait pas grossir, à profusion si quand même. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il me faudrait alors? Écoute, à profusion. En illimité, tu vois. Moi, il n'y a que deux trucs, là, ce que je viens de dire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est beau, ça. J'ai le droit de répondre qu'à deux. Bien sûr, t'as le droit. Voilà. Mais vraiment, je te dis, si dans Aladdin, tu vois, tu as le droit de faire trois vœux au génie et que tu dis, je voudrais des lunettes de toilette à profusion et du chocolat noir. Ah, du Spritz aussi, oui. C'est pas... ouais, non. Tu m'étonnes qu'il lui faut plusieurs lunettes de toilette. Manu. Oui, pardon. Cite-moi trois parties de ton corps Oula. Que tu serais prêt à sacrifier si nécessaire. Oh bah Donc des trucs qui servent pas beaucoup. Ouais. Bon bah je dis au revoir à mon sexe. ensuite qui servent pas. Je sais pas trop à quoi sert l'auriculaire, le petit doigt. Bah gratter le nez ou l'oreille. Ah non, moi je mets le pouce dans le nez. T'as vu mon nez, mec. C'est vrai que le petit doigt sert. Ouais, le petit doigt sert pas à grand chose fondamentalement. Donc je pense que j'enlève aussi le petit doigt. Celui du pied aussi. Hein. Et sincèrement, qui a déjà utilisé son petit doigt du pied? Bah qui a utilisé son gros pouce aussi du pied? Bah pour les tongs, c'est quand même pas mal, quoi. Tu vois, si tu l'as plus, t'as un peu con. Il y a certaines positions de yoga où tu voulais dire une phrase, peut-être. C'est une chanson. Tu l'utilises. Tu crochettes derrière tes deux gros de pouces de pied et tu fais comme ça. C'est l'algus, il s'appelle valgus. Ah non, c'est pas ça l'algus. C'est pas ça du tout. Tu peux m'expliquer, Laurent, je viens de recevoir un message parce que, alors évidemment, vous pouvez nous appeler directement. Attends, j'ai pas fini. Les tétons aussi. Ah oui. Oh, si, ça sert les tétons. Les tétons, pour moi, non. À quoi servent mes tétons? C'est vrai, bah, avec les pincées. Oh, c'est horrible. Oui, mais ça, c'est pour nous le samedi soir tard, après l'émission, mais là, quand même. Oui. Ouais. Alors, les tétons et le sexe et les petits doigts. Ouais, pardon. Laurent. Oh non. Non, mais parce que je reçois. Il n'y a pas de nous ici. Mais non, mais je reçois des messages perso. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des messages ici, nous appeler à Radio Resto, mais après, si vous voulez, si vous avez mon numéro de téléphone. Petite anecdote bureau de Laurent et Guillaume. Oula. Ah, quelqu'un a balancé. Tous les matins, oui. Il nous demande à tous de se réunir pour faire le tigre. Oui, c'est vrai. Pour faire le tigre? Oui, le tigre. Vous savez pas ce que c'est le tigre? C'est quoi ce rendez-vous annuel du plan A3? Je le bénis. Non, mais j'explique. Les gens qui travaillent en open space savent très bien ce dont je vais parler maintenant, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire dans tous les open space. Vous arrivez, vos camarades sont là, ils sont fatigués et tout. Ils ont des accouchements difficiles, ils ont repris le travail, tout ça. C'est dur, il y a l'automne et tout. Moi, j'arrive, j'ai du Ravine Sarah. Du quoi? Du Ravine Sarah. C'est une huile essentielle qu'on fait comme ça pour être en pleine forme. Une huile essentielle, d'accord. Ouais. Et puis une petite crème de main. Dans les années 80, ils appelaient ça la couche. Tu te lèves, voilà, je mets tout le monde debout. Je leur dis, maintenant vous vous mettez devant moi. Tu veux qu'on te le fasse? Ouais, allez-y, mettez-vous debout. Allez. Alors le tic, tu te lèves comme ça. Ouais. Alors déjà, tu. Là, on est en train de souffler. Vous pliez un petit peu les genoux. Okay. Vous rentrez le bassin. Voilà. Et ensuite, je me rappelle plus. J'ai l'impression de faire Saga Africa. Merde, je me rappelle plus. Super. Coup, super. Et quoi? T'as déjà vu un tigre? Parce que là, tu nous fais. C'est quoi? Tu nous fais un lapin? J'ai un trou de mémoire pour tous ceux qui font le tigre. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Mais c'est quoi? C'est une position de yoga? Oui, non, pas du tout. C'est du feng shui. Du feng shui. C'est du tai chi. Du tai chi. Et vous expulsez toutes les mauvaises pensées, les mauvaises idées. Vous le faites deux fois. Ensuite, je mets à tout le monde une petite goutte de Ravine Sarah. Ils viennent tous devant avec, ils font comme ça tous devant moi. Il y a Nico par exemple qui est un faillot qui veut toujours que ce soit le premier, qui ait sa petite goutte de Ravine Sarah. Hop, une petite goutte. Tout le monde. À quel moment, Laurent? Le matin. Ensuite, à quel moment t'as brillé? Attends. À quel moment? Tu fais comme ça. C'est un truc très important pour la santé, Laurent. Comme ça. Et ensuite, je leur donne une petite crème de main pour avoir la main douce, Laurent, toute la journée. À quel moment vous datez précisément ce moment où vous avez décidé de monter votre secte? À quel moment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a une date? Les gens qui font du feng shui, du mec, Qigong, le dernier qui parlait comme ça, c'était Raël. J'ai vu un reportage sur Raël sur Netflix. Non, ça a commencé comme ça, vraiment. Franchement, tous les gens. Est-ce que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, ce soir, peut appeler en disant oui, c'est très très important de faire le tigre, c'est Qigong. Bien sûr. Même les personnes qui s'occupent du standard ont coupé les lignes. Expliquera ça au juge, hein, vraiment. Non, franchement, aidez-moi. Vous qui faites du Qigong, appelez, je vous en supplie, pour leur expliquer les bienfaits du tigre. Merci d'avance. Nous allons, et une bonne raison de nous appeler, nous allons pouvoir rajouter 60 000 euros très bientôt. Ah, ça c'est génial. Au total d'euros collectés, je vais faire un petit rafraîchissement pour vous dire que nous en sommes à 321 520 euros collectés. Ah bah ouais. Oui, c'est rare que ça baisse. Hein. C'est rare que les gens appellent en disant, mais non, en fait non. Mais 20 euros, en fait, vous savez quoi, je vous écoute, en fait, je vais reprendre les 20 balles. En fait, là, Laurent avec son tigre, il m'a gavé, donc en fait, j'en ai plus rien à foutre. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont appeler pour parler du. Eh bien, vous pouvez nous appeler. 321 520 €. On va faire monter ça. Vous nous appelez maintenant au 01 850 90 600. Le numéro est compliqué, je le répète bien doucement. 01 850 90 600. Et grâce à vous, on va vous poser tout à l'heure trois questions. Là, dans pas longtemps, vous répondez juste à ces trois questions. J'ai les réponses, je vous aiderai. Et ça va permettre de récupérer 60 000 € que nous allons rajouter à ce montant. Pourquoi ne dit-on pas 01 85 09 06 00 ? Parce que je pense que le 90 600, il est cool à dire. Tu vois ? C'est vrai. Petit blind test. Cette fois, on le fait pour de vrai. D'accord. Ah, blind test, ok. Ok ? Ok, c'est parti. Petit blind test. Donc, le son part. Et avant de donner la réponse, on donne son prénom. Est-ce qu'on peut donner le prénom de quelqu'un d'autre pour faire une vanne ? Laurent, tu dois le sortir. On donne son prénom pour répondre ? Et oui. On répond tout de suite après ? Évidemment. D'accord, ok. Genre, Laurent Désirless. Non, Laurent, hop, et tu prends la main, et là, après, on t'écoute. Ok, ouais. Allez, on y va. Bruno. Oui. Ottawa. D-I-S-C-O. Bien sûr. Exactement. Je le connais bien. Ah, mais Bruno est le plus rapide d'entre nous. Avant, c'était sa femme qui faisait la voix de femme, maintenant, c'est sa fille. Tu sais que j'ai eu un fou rire avec Ottawa. Je les avais reçus dans une émission que je faisais sur France 3. Et à un moment, on fait « Elle est désirable ». Et à un moment, ça fait quoi ? Elle est F. Je sais plus. En fait, la lettre ne correspond plus. Ah bon ? Évidemment. Attends, c'est elle. Dans la chanson. Désirable. Elle est I. Irrésistible. Ouais. Elle est O. Elle est I. Hystérique. Oui, c'est H. Oui, bien sûr. Et le mec chante ça devant moi. Je suis à la télé et là, je me dis, elle est I. Hystérique, alors qu'il y a un H et j'ai ri pendant 10 minutes. C'est annoncer. C'est génial. Et c'est passé pendant des années. Elle est I. Hystérique. Joli. Un autre. Bruno. Oui. Oh là là. Philippe Catalan. Ah oui, Eddie Van Halen. Je l'ai aussi. Eddie Van Halen. Blind test années 80. J'ai dit, il vous mélangez 80-90. Ok. Ah mais ça, Bruno, il est redoutable. Je fais le ski avec lui. C'est quoi ? On est à la deuxième note, il est à la première. Et si on est à la première, il est avant que ça parte. J'ai fait le ski avec lui et il skie pas. Qui s'appelle Philippe Cataldo ? Ouais, c'est une bonne idée. On était partis en vacances. Mais pourquoi t'es parti en vacances avec Philippe Cataldo ? Parce qu'on était une bande d'amis, Philippe Cataldo, il est venu avec nous. Et puis finalement, le jour où on est parti faire du ski, il a dit non, moi je reste au chalet. Ben, qu'est-ce que tu vas faire ? Ben, je vais vous attendre. C'était l'anecdote de Laurent Petit Guillaume. Oh, l'anecdote de Laurent Petit Guillaume. Mon habitant à Canet. Salut Philippe. Allez, un autre. Donc t'as si Bruno. Magie noire, ouais. Philippe Russo. Oh, j'avais pas. Je connais bien aussi. Tu le signes tellement. Ah ouais, je le connais bien. Aussi, tu le connais bien aussi. Ah oui. Alors Philippe, tu sais quoi, c'était dans les années 80. Il devait partir au ski avec toi, non ? Non, pas du tout. Bah. Mais Philippe, il est plus chanteur maintenant, mais il s'occupe d'artistes. D'accord. Ah. Très sympa, elle est bien cette chanson. Ce Philippe Russo s'occupe de la Russo. Non, je demande. Et magie noire. Le son était... Il y avait un groupe génial à l'époque qui s'appelait Good Lux, ça tu connais ? Ouais, bien sûr, les yeux de Laura. Les yeux de Laura. Un autre. Allez, on y va. Bruno. Bah, boum, boum, boum. Hein. Non, oui. Moi, je l'ai pas. Boum, boum, boum. Out There Brother. Hein ? Out There Brother. Ah, j'avais pas le nom du... Pas bien, hein, tu dis que je prononce bien, mais vas-y. Out There Brother. C'est quoi ce groupe-là ? Mec, on a l'impression d'être un rassemblement d'extrême droite. C'est quoi ce groupe-là, là ? Non ! Mais non, c'est quoi ce titre ? Je crois que je le connais pas. C'était Boum Boum Boum, c'était un titre des années 90. Ok. Ah, j'étais pas là dans les années 90. Allez, un autre petit. Ah, je sais. Bruno. When I was young. When I was young. Ah oui, All by myself, bien sûr. Ah oui, pourquoi la reprise d'Eric Carmen. Eh ben. Ah, j'ai pas dit mon prénom. Bon, c'est pas grave, tu l'as quand même. Hein. T'étais pas parti au ski avec elle ? Je l'ai interviewé deux fois. Et je lui avais dit d'enlever ses chaussures parce qu'elle avait mal aux pieds. Son manager, il lui a interdit. C'est vrai ? Elle sent des pieds, Céline Dion ? Elle a des jolis petits pieds. C'est vrai ? Deux petits deux. T'as vu les pieds de Céline Dion ? Ouais, j'ai vu les pieds, je lui ai fait ôter ses chaussures. C'est quand même... Ça me surprend pas. Tout le monde n'a pas eu Adèle, je suis sûr qu'elle a des oignons. Adèle ? Ouais, Adèle, je sais pas. Elle a un pied à voir. Elle doit pas avoir un pied fin. Céline, elle a des petits didis. Oui, Céline, ça me surprend pas. Qui a des pieds bizarres ? Moi. Moi aussi. Ah bon ? Mais j'ai vilains pieds. C'est pour ça que j'aime pas les pieds des autres. Parce que. Ah, mais non, mais moi, j'ai les pieds de Shrek, moi. Bruno, non. Bruno, vraiment, c'est un animal qui vit dans ses pieds. Mais c'est un truc, ça parle dans tous les sens. Mais moi, je suis pas loin de lui. Et depuis tout petit ? Hein? Bah oui. Non, je les ai fait faire. Je me suis dit, à 20 ans, j'avais des super pieds, ce serait quand même con. J'ai fait péter tous les orteils, j'ai fait rajouter des serres à la place des ongles. Et puis la nuit, je me déguise en aigle, évidemment. Connard. Moi, j'ai des pieds sublimes. Toi, t'as des beaux pieds. Très beaux, très beaux. Ouais, je les crème régulièrement. Ah, tu crèmes tes pieds? Ouais, je crème mes pieds. Ah, moi, j'oserais pas crémer mes pieds. Ah, bah si, il faut. J'ai du mal à les regarder, alors imagine les crémer. Ah, si, il faut tout crémer. Non, mais il faut se crémer. Faut se crémer? Tu crèmes tout? Tout. C'est incroyable. Mais ça je sais. T'avais ta petite réputation. Mais les pieds, je savais pas. On l'appelle le crémeur. Bien évidemment. Il crème tout, Laurent. Tu sais que là, on est en train d'essayer de reculer cette échéance parce que dans la programmation qu'a choisi Laurent Petit-Guillaume pour nous, il y a quand même Carlos avec Big Bisou. Je trouvais que c'était sympa. C'est vrai que cette programmation musicale de Jusqu'à minuit, c'est Laurent Petit-Guillaume qui l'a préparé. Ah, je vois. Aussi, t'as du mal, hein. Là, parce que j'ai du mal à voir. C'est... On va quand même pas, on va pas mettre Carlos Big Bisou. Sauf le respect que j'ai pour Carlos, tu vois. Quand même. C'est géant, quoi. Non, mais on passera à autre chose directement derrière, non? Aucun respect. Ah, Véronique Sanson, rien que de l'eau. C'est rigolo pour toi, ça, Laurent? Oui, c'est pour ça. Ah, Wisdom of the Night. Oui. Mais surtout, Véronique Sanson qui chante rien que de l'eau, c'est extraordinaire. C'est comme C'est un cliché. C'est comme si Doc Gynéco disait, oh là, c'est pas bon la cigarette. Oh. Tu vois, ça n'a pas de sens, ça. Véro, si tu nous écoutes. Véro. Tu l'as interviewé, Véronique Sanson? Non, on est parti en vacances. En Véronique Sanson, il bouge des orteils, par contre. Qu'est-ce tu as crémé Véronique Sanson? Non. Mais non, mais tire à Ibiza et Véronique Sanson. Ouais, à la fin. C'est comme si tu allais avec David Guetta à Mourmelon, ça n'a aucun sens. Mais si, il y avait plein de gens, il y avait Étienne Dao, tout ça. C'était tout. T'es parti en vacances avec Étienne Dao? Ah ben, on avait des maisons. Est-ce que quand, c'est une vraie, c'est quand il parle, est-ce qu'il parle comme ça tout le temps, vraiment? Oui, Étienne, il parle toujours comme ça, ça va très bien. C'est marrant, ça, quand même. Après, je suis un grand fan d'Étienne Dao. Bien sûr, tout le monde est fan d'Étienne Dao. Tout le monde est fan d'Étienne Dao. Bah, évidemment. Ouais, ça va, Laurent, et toi? Tu imites tellement bien Étienne Dao. On continue le blind test. Formidable, Étienne. On continue le blind test. Bruno. Oui. Dixie's Midnight Runner. Formidable. Putain, j'ai pas compris que à chaque fois je dis oui au lieu de mon prénom. Peut-être que c'est ça ton prénom. Peut-être que Manu c'est un nom de scène et que tu t'appelles oui dans la vraie vie. Laisse-nous jouer un peu. Ok, d'accord, très bien. Laisse Manu. Ok, je vous laisse jouer. Ah, Bruno est fort. Bruno, c'est bon, plus fort. Dixie's Midnight, on les connaît. Dixie's Midnight Runner. Ah ouais. Ok, vas-y. Non, regarde, moi je vais. Oui, Roger Glover. Oui. Love is All. Ah bon. Et vous savez quoi? Je suis. Alors, Love is All. Est-ce que je peux le mettre au début? Écoutez bien, le début. C'est là-dessus que je suis rentré à mon mariage. Ah, quand je suis arrivé, c'était Roger Glover, Love is All. Ouais. Oh, j'adore cette chanson. Mais juste l'intro, après vous avez arrêté? Non, on a mis jusqu'au bout. Les gens se sont fait chier parce qu'on a mis l'album. Et est-ce que c'est. C'est une grenouille qui s'appelle Roger quand même, c'est fou. Ouais. C'est une grenouille. Super clip. Ah, le clip était fou, c'était un dessin animé. Un autre titre. Je sais pas. Moi non plus, attends, bouge pas. Ne dis rien, Bruno. Je dis rien, je dis rien. Connard. Toi, tu l'as. Attends, on va l'attendre chanter, la fille. T'as pas une fille, hein. Bon, allez, Sandra Hakim, j'aime la vie. Vous me faites chier, les gars. Vous pouvez pas laisser pour 1000 ans. Bien sûr. Même si c'était une folie. Bien sûr. Ah oui. Bravo pour le défi. Pourquoi tu me remets ça dans le cerveau? T'avais pas fait l'Eurovision? Si, bien sûr. C'est pour la Belgique, non? Exactement. Ouais. Et je vous ai laissé 10 secondes, les gars. Ok. Personne n'a appelé pour le feng shui? Pour le feng shui, personne. Oh mince. Faut qu'on joue, hein. Ouais, il nous faut quelqu'un pour le jeu. Redonnez le numéro de téléphone, les amis. Non, sérieusement. C'est pour faire gagner 60 000 euros au resto. Là, pour le coup, c'est sérieux. On a vraiment besoin de quelqu'un. Ouais. 01 850 90 600. Vous nous appelez maintenant et vous venez jouer avec nous. C'est pour 60 000 euros qu'on va pouvoir rajouter dans cette cagnotte. Alors, attention, précisons, parce qu'on s'est peut-être mal expliqué. C'est pas vous qui, en jouant, allez donner les 60 000 euros. Non, soyons clairs. Et vous n'allez pas non plus les gagner. C'est peut-être important de le dire. Vous allez déclencher automatiquement le mécanisme pour faire apparaître ces 60 000 euros sur le compte des restos grâce à notre partenaire, Laurent. Absolument. La Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Merci. Voilà, c'est important de le dire. Comme on se renvoie la balle, c'est d'un professionnalisme. Shannon, est-ce que le standard fonctionne? Mais oui, le standard fonctionne. Attends. Oui. Personne n'a appelé pour le feng shui? Non, pour le feng shui, non. Ça, c'est vraiment. Allez, on va jouer. On est à la moitié de l'émission. On va jouer dans quelques minutes. 01 850 90 600. Évidemment que c'est pas vous qui donnez les 60 000 euros. Vous donnez juste trois réponses à trois questions et on joue ensemble. Tu as quelqu'un, Shannon, mais pas de Bry-sur-Marne ou pas? Non. Bon, très bien. C'est que des gens de Brissure. Il n'y a que des gens de Brissure. Ah, ça sonne. Ah, ben voilà. Allez, Shannon. Mais tu vois, en fait, il fallait préciser. Il fallait juste raccrocher le téléphone, en fait. Il fallait juste préciser que ce n'est pas vous qui alliez donner l'argent. Je te jure. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui peuvent bloquer. 01 850 90 600. Vous venez avec nous. This is the rhythm of the night. Oh, oui. Allez, on a invité Carlos. Non, pas les 8G. Non, Debarge. Debarge. Elle Debarge. Elle Debarge. Elle Debarge. Elle Debarge. Il y avait toute la famille à l'époque encore. Comment ? Il y avait peut-être toute la famille à l'époque encore, Rhythm of the Night. C'est elle Debarge ou toutes les. Ou Debarge ? Parce que c'était des frères. Non, non, c'était Debarge. Ah bon Debarge. Il y avait François Debarge. Ouais. Stéphane Debarge. Sylvain Debarge. Raymond. Et Joachim Debarge. Annaëlle Debarge, qui est la sœur, mais qui n'est pas la plus connue de la famille. Et Pedro, mais qui lui avait monté les barges. Si en plus, t'as raison, il y avait une sœur Debarge. Ah bon ? Et il jouait de cet instrument dont on ne se souvient jamais du nom. L'ocarina. Pas du tout. Le ukulélé. Mais non. C'est vrai qu'on entend pas. C'est un xylophone. Ouais. Ah, tu vois. Et il n'y avait pas de piano, donc tape sur ce que tu peux et puis fais de la musique, démerde-toi. Ou L de Barge, enfin bref, c'est The Rhythm of the Night. Il est 23h02, on n'est pas à l'heure, mais c'est pas grave. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Et tout de suite, un sujet des étudiants d'Igencia. Bravo. Pas en se disant je vais avoir besoin d'aide pour manger. Ces mots résonnent particulièrement dans la bouche d'Arthur, 23 ans, étudiant en géographie à Toulouse, qui se retrouve aujourd'hui à devoir compter sur les Restos du Cœur pour subvenir à ses besoins alimentaires. Je m'appelle Sharon Rouanet, étudiante en journalisme à l'ISCP à Toulouse, et je vous emmène à la rencontre de ceux qui, comme Arthur, vivent une précarité grandissante depuis la pandémie. Cette crise sanitaire a bouleversé bien des vies, et pour Arthur, elle a marqué le début d'une lutte quotidienne pour maintenir un semblant de normalité. tout en jonglant avec des ressources de plus en plus limitées. J'ai commencé à y aller à la fin de mes premières études à Nantes, parce que c'était la période Covid et on ne pouvait pas travailler à côté des études. J'étais en grande difficulté financière, donc j'ai commencé à devoir y aller par des choses de première nécessité. Malgré un emploi retrouvé à Toulouse, les difficultés financières persistent. J'ai pu reprendre un emploi à côté des études, mais l'inflation et tout ce qui se passe, je ne gagne toujours pas assez de sous pour pouvoir vivre tranquillement. Je dois aller au Resto du Cœur une fois par semaine à des collectes afin d'avoir de quoi manger. La bienveillance de cette association n'a pas échappé à ce Toulousain. Les bénévoles sont très agréables. On est reçus de manière très sympathique. Et aussi l'organisation que je trouve très, très bien faite avec un système efficace qui a l'air rodé. Donc pour le coup, je suis très satisfait. J'aimerais ne pas l'être parce que dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin d'associations comme ça. Mais le service de cette association-là est d'utilité publique et franchement, le travail qui est fait à Toulouse est exceptionnel. Prendre la décision de se rendre au Resto du Cœur n'est pas tâche facile. L'étudiant ne réalise pas de suite que sa situation est critique. Un réflexe qui n'est plus une exception, mais bien une réalité de plus en plus courante pour les jeunes. Honte, gêne, je sais pas. J'ai peut-être mis plus de temps à me dire il fallait que j'y aille. C'est sûr, parce que on entend depuis petit avec les enfoirés, etc., que c'est pour les familles dans le besoin. Maintenant, c'est devenu banal. Oui, en effet, il est essentiel d'aller au-delà des apparences pour comprendre la réalité complexe de ces interventions sur le terrain. Pour énormément d'étudiants, parce que je sais que j'ai des amis qui vont sur le campus de la fac également. Il y en a d'autres qui ont des aides de la part des CROUS, d'autres qui vont avec d'autres associations également. Deux cas isolés d'étudiants, qui je crois et que je pense étaient plus rares avant, devient une généralité. On voit aussi que les populations touchées sont aujourd'hui d'une grande diversité, que ça peut aller de l'étudiant au retraité et qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de visage type de personnes qui a besoin de l'aide alimentaire, de l'aide aussi sociale, parce qu'il y a un contact social avec les Restos du Cœur. Des paroles qui reflètent une réalité grandissante. La précarité étudiante est un sujet préoccupant dans notre société. Les Restos du Cœur continuent de jouer un rôle majeur dans cette lutte contre la faim et la pauvreté en France. Et merci Radio aux Resto. Étudiants. Les animateurs Radio de France se mobilisent pour les Restos du Cœur. Oui, des fois, il y a des jingles. Ça, c'est Laurent Petit-Guillaume. Quand il veut parler, il faut que ça parte. Je voulais dire merci aux étudiants d'Hygentia qui nous fournissent ces petits sujets. Ils ont travaillé depuis 3 semaines là-dessus, sur le terrain. Bravo à eux, parce qu'eux aussi, ils ont vu la dure réalité des choses et ils ont appris à connaître facilement, puisqu'ils sont allés sur le terrain, le travail de tous ces bénévoles. 73 000 en France, 73 000 bénévoles pour les Restos du Cœur. Et je le rappelle, c'est la raison pour laquelle chaque année, nous réalisons ces 48 heures d'émission. Mais absolument, bien sûr. Oui, j'ai bien parlé. Mais exactement. Là, t'avais plus d'oxygène à la fin de ta phrase, mais c'était plutôt pas mal. C'est donc, large, 23h05, ouais. C'est Radio Resto. Ouais. On est toujours là avec vous, avec Laurent Petit-Guillaume, vous allez l'entendre, avec Bruno, avec moi, c'est Manu. Et on est là jusqu'à minuit. Libre antenne. Nous en sommes à 326 755 euros ça collectés. Ça a augmenté. Ah, ça a bien augmenté. Là, on a pris 5000 euros en peu de temps. Ouais. Je vous rappelle que vous pouvez, pour faire des dons et pour aider les Restos du Cœur et cette année, spécifiquement les enfants, les bébés. Ouais. Le principe est de pouvoir acheter, parce qu'ils sont achetés, le maximum de kits bébés qui vont être donnés aux parents qui en ont besoin. Un kit bébé, c'est du lait, c'est des couches, c'est des petits pots. Exactement. Et lorsque vous faites un don de 100 euros, par exemple, déjà, après déduction fiscale, ça ne vous coûte que 25 euros. Et c'est un bébé qui est accompagné pendant 3 mois. C'est voilà. Et on s'est donné des paliers de 50 000 euros. C'est-à-dire que là, on en est quand même à beaucoup de paliers de 50 000 euros. Ouais. 50 000 euros, pourquoi ? Parce que c'est égal à 100 bébés qui sont accompagnés pendant un an. 100 bébés pendant un an, quand on arrive à 50 000 euros, on en est déjà à 326 755 euros. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de gros dons, il y a des dons, tout simplement. Et vous êtes les bienvenus. Pour faire vos dons, c'est sur radio.restoducœur.org, sur l'application Radio Resto. Et comme l'a dit un jour, je crois... Jules César, un petit don, plus un petit don, plus un petit don. Égal un gros don. Et nous allons jouer dans quelques minutes à Question pour un gros don. Ah, ça veut dire qu'il y a quand même 600 enfants là. Où ça va ? Comment ? Avec les gains qu'on a eus, je fais le calcul depuis tout à l'heure, on est pas loin de 600 enfants qui sont aidés pour un an, c'est bien. Je me suis retourné, je me dis, il y a plus de 600 enfants. Non, pas là. Mais c'est pas mal, hein ? Ben, c'est vachement bien. Et on se dit qu'on est là avec vous, et c'est pas pour rien. Après, ça correspond à quelque chose d'essentiel aussi. Là, on vous donne des chiffres et un bébé accompagné pendant un an. Mais il faut voir que cette deux réalités, c'est aussi des mamans qui viennent, qui ont besoin d'un soutien psychologique, et ça, c'est le travail des bénévoles, qui ont besoin effectivement de lait, de petits pots, de couches, mais on leur fournit également une aide psychologique, médicale, si jamais on les oriente. Oui, puis surtout, c'est des gens qui des fois ont eu des moments de vie difficiles. Ça peut être des femmes qui sont séparées pour des raisons diverses et variées, qui des fois sont des raisons extrêmement dures, et qui ont dû partir avec leurs enfants sous le bras et qui n'ont qu'un seul métier et qui doivent gérer ce métier avec un petit salaire et nourrir les enfants. Parce que des fois, il y a des gens qui jugent en disant, ah bah oui, mais enfin, ils font des enfants. Mais des fois, une nana qui se retrouve avec un mari violent, elle se retrouve seule après, et elle a l'aide des restos, et c'est important de le dire aussi. Et donc, c'est pour ces gens-là, et pour ces enfants-là que vous pouvez donner et continuer à donner. Alors, attention, Radio Resto, c'est jusqu'à demain, mais vous allez pouvoir continuer à donner via l'appli quelques jours encore après, et tout ça sera cumulé et donné au Resto du Cœur, dont la transparence n'est plus à prouver en ce qui concerne l'argent reçu et l'argent dépensé et réinjecté dans tous les centres resto dans toute la France. Rappelons également que tous les podcasts de toutes les émissions sont hébergés par Radio Player notamment, et qu'elles seront ces émissions en ligne pendant plusieurs semaines. Sauf celle-ci. Non. Chaque année. Celle-ci même en direct, je crois qu'ils mettent de la musique en ce moment. Moi, je mets mon veto, moi. Bon, alors, très simple, ça parle docteur Bernard, c'est mon veto. On va jouer à question pour un gros dos dans un instant. Mais patience. Ah ouais, j'aime bien parler aux gens. Si vous voulez venir avec nous, vous nous appelez, notre numéro de téléphone, je le rappelle, c'est le 01 850 90 600. On va jouer à question pour un gros dos avec Caroline dans un instant. Très bien. Avant ça, j'ai un petit truc à vous proposer. Ok, d'accord, vas-y, très bien. C'est un jeu que j'ai trouvé aussi avec des cartes. Le principe est simple, ce sont des affirmations et vous dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Ok, très bien. Faut argumenter, évidemment. Et là, moi, je dis d'accord. Évidemment. Le jus d'orange est meilleur avec la pulpe. Moi, personnellement, je suis contre cette putain de pulpe. Je trouve que ça me nique la bouche, ça me nique les dents. Va te faire foutre la pulpe. C'est mon analyse. Tu sais, chacun a ses combats. Bien sûr. Vraiment, moi c'est le racisme. Moi c'est la pulpe. Mais après je comprends. Eh ben moi je suis pas contre. Ouais, tu vois, parce que ça donne un petit côté naturel à ton jus d'orange. Au moins tu te dis, je me fais pas avoir. C'est pas du jus d'orange avec de la poudre et de l'eau. Tu te rappelles de ça? On mettait de la poudre. Le tang. Ouais, c'était évidemment. Non, c'était dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Eh ben voilà, c'est pas du tang que je vois. Moi je suis assez d'accord. Il y a de la pulpe. Je suis assez d'accord avec Laurent. Ça veut dire que ça sous-entend que c'est une vraie orange pressée. Voilà. Oh, mais c'est du marketing. On vous fait croire parce qu'il y a de la pulpe, mais si ça se trouve, cette pulpe, elle-même été fabriquée chimiquement. Ouais, c'est de la sueur, ça se trouve. Mais exactement. Elle a peut-être été rajoutée après. Voilà. Ah, c'est possible aussi, ouais. Eh ouais. Et d'où vient-elle? Ensuite. De pulpille, je pense. Du pays, la pulpille. Bien sûr, évidemment. Les employés devraient être capables, on devrait leur donner l'autorisation d'utiliser nos comptes de réseaux sociaux contre nous pour pouvoir nous virer. Oh là là là là là là là là. Alors déjà, je n'ai pas du tout compris la question. La question ? Non. T'es employé ? Ouais, non. L'employeur, s'il veut, par exemple, c'est pour te virer, s'il décide de te licencier, est-ce qu'il a le droit d'utiliser tes réseaux sociaux ? Bon, c'est le contraire. Ta question, c'est le contraire. Si t'es employé, tu peux faire virer ton patron en utilisant ses réseaux sociaux. Non, c'est le contraire. Ah oui. Tu peux pas virer ton employeur. C'est l'employeur qui vire l'employé. Nous, par exemple, là, on va nous virer après l'émission. C'est un exemple. Bon, ok, trop compliqué cette question. Oui, très compliqué. Ouais. Ok, passons directement à réseaux sociaux, je gère pas trop. Passons là, à plus simple. TikTok, plus simple. Je comprends. L'ananas est excellent sur les pizzas. Ah, ben non. Ah non, pas du tout. On est d'accord, bien sûr. C'est un scandale. Ah ouais, bien sûr. D'ailleurs, ça n'existe pas. Normalement, dans certains pays civilisés, ça n'existe pas. Je peux rétablir la peine capitale, moi. Ah ben moi, je renvoie la peine. La peine capitale, on va peut-être un petit peu loin, mais effectivement, 4000 ans de prison. Sur les pizzas. Hein? La peine capitale sur les pizzas. Évidemment, bien sûr. L'argent fait le bonheur. Des pauvres. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Voilà, discussion philosophique. On est premier dog ou pas? Ça y participe quand même, tu vois. Mais quand t'as goûté aux deux trucs, tu vois. Là, on est en train de parler des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont obligés d'aller. Ouais. Et parfois, c'est extrêmement difficile, évidemment, psychologiquement, d'aller se présenter à une association comme les Restos du Cœur. C'est très difficile la démarche. La les gens n'y vont pas comme ça, genre. Oh, tiens, j'allais là, pourquoi qu'est-ce que c'est aujourd'hui, mardi, tiens, j'ai envie d'aller au Resto du Cœur. Pas du tout. Non, non, c'est très difficile. Et ça, c'est le travail des bénévoles qui est extraordinaire, qui sont formés d'ailleurs à ça. C'est accueillir les gens avec un grand sourire, leur demander, leur dire bonjour, leur demander s'ils vont bien. Mais peut-être que le sourire est plus important. D'ailleurs, bien évidemment, tu dis l'argent fait le bonheur. Il y a des gens qui sont passés, moi ça m'a toujours marqué ça, qui sont passés par les Restos du Cœur à un moment de leur vie, qui après ont réussi à s'en sortir et qui financièrement ont commencé à gagner de l'argent, ce qui leur a permis de ne plus aller au resto, et qui cependant ont continué à œuvrer pour les Restos du Cœur en tant que bénévoles. Il y en a plein qui font ça, et je trouve ça canon. Et c'est vraiment l'histoire, tu vois, quand tu parles de l'argent, t'en as pas, faut se souvenir d'où on vient pour savoir où on va. Voilà. Et en plus, tu as utilisé le mot cependant que l'on utilise très rarement. Ouais, t'as utilisé panade en début de, d'émission, mec. Et que aider les gens rend peut-être plus heureux que l'argent. Évidemment. Exactement. Alors. Voilà. Eh ben, je suis d'accord. Tout le monde a une âme sœur. Vrai ou faux ? Vrai. Non, moi je n'ai que des demi-sœurs. Très bien, on passe à autre chose. Là, c'est un classique. Ouais. Les chats sont mieux que les chiens. Ça, c'est faux, évidemment. C'est faux, les chats sont les petites putes. Ouais, exactement. Ce sont des suppôts de Satan, on est tous d'accord. Évidemment, évidemment. Bien sûr, ils ont été emmenés sur Terre par. Bah, le diable lui-même. Et les extraterrestres. Oui, non, moi, bon, c'est le diable. Raël. Raël, je ne sais pas. Non, mais les chats vont conquérir le monde. Un jour, il y aura un signal qui viendra et ils vont tous se rebeller. Il y en a un milliard de chats. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le jour où il y aura le signal, ils vont prendre le contrôle de la planète, bien sûr. C'est totalement ok de faire pipi dans la douche. Oh ah bah moi je le fais tous les jours. Partout, même pas que dans la douche. Partout, c'est-à-dire ? Bah partout on peut. Non, mais la douche, ça a un côté c'est écologique, normal, la douche, bien sûr. Tu fais pas toi, Manu ? Alors, je sais que c'est bien pour la planète, parce que ça peut faire économiser de l'eau, etc. Mais le concept, je le maîtrise pas. Non, mais tu vises le trou de la douche. Mais moi, je fais pipi dans la douche tous les matins. Et dans l'évier. Alors, ce qui est très marrant, caca aussi. Dans l'évier. Ça y est, on en est là ? Oui, dans l'évier. Et alors, moi, j'ai. Alors, vous allez voir, je suis sûr que vous, c'est pareil. Autant. On y va, on fait pipi dans l'évier, dans le lavabo. Non, mais non, moi jamais de la vie. Si, bien sûr. Jamais, c'est non, là où jamais. Tu laves les dents. Eh ben et alors, qu'est-ce que c'est pas sale. Et moi je peux pas, j'ai ma purée lavabo dans mon évier. Bien sûr. Mais autant on peut faire dans le lavabo de la salle de bain, autant dans la cuisine. Eh ben moi j'hésite. Mais je fais pas dans le lavabo de la salle de bain. Oh, pourquoi mais tout le monde le fait. Mais personne le fait. Allons, mais tout le monde les filles, vous faites pas de pipi. Parce que je me souviens un jour une chanteuse célèbre, j'étais chez elle. Je te jure, elle était mariée. J'étais chez elle, on papotait et d'un coup elle s'est levée. Non, c'est une chanteuse. Donne un nom. Non. On va le trouver. Donne un nom. Eh ben elle s'est levée. Donne elle a un type de chanson française. Ouais. Française. Elle a fait. Mais à l'époque, on était jeunes, on n'avait pas d'argent. Je suis libertine. Non, ça aurait été incroyable. Pipi. Ah, bah, mais Mylène ne fait pas ça. Si. Non, elle ne va. Non. Mylène Farmer ne va jamais aux toilettes. Non, pas Mylène Farmer. Bon, alors, mais c'est qui ? Eh ben, elle s'est levée. Hop, et dans Stéphanie dans Monaco. Parce qu'on avait des petits appartements. Mais elle s'est levée. Vous étiez là ? Vous la voyez ? Bah oui, bien sûr. Mais à l'époque. Mais elle chante toujours encore. Bien sûr, c'est une star. C'est une grande chanteuse française. Mais à l'époque, elle n'était pas connue. On n'avait pas d'argent. On avait des petits appartements. C'est pas Céline Dion ? Non. Bon, Véronique Sanson. Mais non. C'est cette même époque, c'est des gens un peu. La chanteuse d'avant, c'est dans les années. Derita Mitsuko. Ah bah par exemple, je sais pas. Oui. Ah oui, mais elle a le droit. Elle a le droit. C'est la. Passons à une autre question. Bien sûr. Est-ce que vous êtes chaussettes, chaussures, c'est-à-dire chaussettes droite, chaussure gauche, chaussettes droite, chaussure droite. Attends, je me Laurent Petit Guillaumise. Mais qu'est-ce que je comprends? Je refais. Si écoute-moi. Ouais. Est-ce que vous êtes chaussette droite, chaussure droite, chaussette gauche, chaussure gauche? Mec, oui. J'ai l'impression si que c'est marqué sur la chaussette. Ou oui. Chaussette droite, chaussette gauche, chaussure droite, chaussure gauche. Lorsque vous mettez vos chaussettes et vos chaussures. Oui. Si c'est marqué sur la chaussette, oui. Right. Non, je veux dire, est-ce que tu mets la chaussette ta chaussette droite. Et ta chaussure ou alors vous mettez d'abord vos deux chaussettes ah avant oui. de mettre deux ah chaussures. Ah non, je mets les deux chaussettes, d'abord le pied gauche, toujours. Ok. Alors moi je mets, non, le pied droit. Toujours le pied droit d'abord en chaussette, le pied gauche en chaussette et ensuite les chaussures. Un pied gauche moi toujours, pied droit et après chaussure gauche, chaussure droite. Je finis toujours par le meilleur. Laurent ? Oui. Moi je fais attention, je mets toujours la chaussette droite dans mon pied droit et la chaussette gauche dans mon pied gauche. Il n'y a pas de chaussette droite, chaussette gauche. Mais il vient de te dire que c'est marqué. Il a des chaussettes, c'est chez Decathlon, passé un certain âge, il te dit droite ou gauche. Non, non, c'est marqué right, droit. Mais les chaussettes n'ont pas de. Gauche, en anglais, gauche. Left. Left. Mais les chaussettes n'ont pas de droite ou de gauche. Bien sûr que si. Évidemment. Mais j'ai jamais vu ça. Les chaussettes de qualité, oui. J'ai vu des chaussettes nazies, moi. Pardon ? Vraiment de droite, droite. Ah d'accord. Ouais. Mais je ne savais même pas qu'il y avait des chaussettes droites et des chaussettes gauche. Si, quand tu fais du running, quand mais tu fais du sport. Ah ouais, mais alors ça, vous commencez à parler de trucs dégueulasses. Évidemment. On a un problème de téléphone. Hein. Deux personnes qui me disent j'essaie d'appeler, le numéro ne fonctionne pas du tout a priori. Alors il y en a qui réussissent par contre. En même temps, si tes amis sont comme toi. On me dit qu'il y a tellement de monde que ne peut pas prendre tout le monde, mais prenez tout le monde, on va les prendre les uns derrière des autres. Allez, on va vous prendre maintenant le téléphone. Vous nous appelez 01 850 90 600. Vous nous appelez maintenant et on va jouer d'ailleurs à question pour un Grondon. On a Cédric d'abord qui est là. Bonjour Cédric. Salut Manu. Ah, salut Manu. Ah, salut Cédric. Salut Cédric. Salut Bruno, salut Laurent aussi. Voilà. Salut tout le monde. Salut mon pote. Il n'y a pas de jaloux comme ça. T'habites où? Bah écoutez, je vous ai appelé. En fait, je voulais participer au départ pour le don, mais apparemment. Il y a déjà quelqu'un. Oui, il y a Caroline. Et ça dépend de où tu habites. Donc, où tu habites? À Nice. Ah, c'est bien. C'est bien. Ah, oui. Bien, Nice. Ouais. Là, qu'est-ce que tu fais dans la vie à Nice? Pour vous qui êtes là, je vous explique. La petite boule jaune qu'il y a dans le ciel, ça s'appelle le soleil. Ah oui, vous avez plus de soleil que nous dans le nord, évidemment, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je suis désolé, mais nous, on est là-dessus. Je suis désolé, non. Les inondations dans le quartier l'autre jour, c'était où? Pourquoi tu lui crées dessus comme ça? C'était à Cannes, c'était pas chez moi. Cannes, c'est pareil. Hein, Non. Sans bornes on mélange près, pas quoi. Les torchons et les serviettes, s'il vous plaît. Festival de Nice, on en parle moins. Quoi. Ouais, voilà, exactement, Festival de Nice. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à Nice, Cédric? Oui, c'est ça. Je fais un peu comme vous. Je suis DJ, animateur. Ah. Voilà, donc... T'es DJ en club? T'as une résidence ou pas? Non. Au Palais de la Méditerranée? Ah ben je vois qu'il y en a qui connaissent bien apparemment. Oui, c'est moi, je suis venu jouer au théâtre au Palais de la Méditerranée. J'ai fait pendant un moment le carré à Saint-Laurent. Ah oui. Et tu bosses sur une radio également? Comment? Tu bosses sur une radio également? Alors oui, mais je sais pas comment vous avez su ça. Mais parce que tu viens de nous le dire. Parce que tu viens de nous dire, je fais la même chose que vous. Donc je me disais que globalement, vu qu'on est animateur radio, il y avait peut-être. Tu vois. Ouais. Ben je fais une petite émission. Je suis fan de foot, de l'OGC Nice, et du coup, on fait une petite émission. Il n'y a jamais de petite émission. Il n'y a que des émissions. Regarde-nous, par exemple. C'est vrai. Il n'y a jamais de petites bites, il n'y a que des bites. Alors voilà. Ça, je suis d'accord avec toi, et c'est important de le rappeler, parce que oui, déjà, la taille, c'est pas important, et que tout le monde n'a pas la même génétique, et pourquoi je m'énerve là-dessus? C'est fou, quand même, on a l'impression que t'es touché. Non, pas du tout. Alors, j'ai un cousin, oui, qui a des soucis, effectivement, mais moi, pas du tout. Alors tu vas pas nous la ramener que... pardon. C'est le même cousin que celui qui a le matin dont parle souvent Manu, c'est ça? Ah effectivement, j'ai un cousin qui a beaucoup de problèmes. Ouais, c'est ça. Beaucoup de problèmes. C'est une blague récurrente. Oui. Non, si tu voulais nous dire quelque chose, c'est intéressant. Tout simplement, mais sinon. Non, mais j'allais dire, voilà, c'est une petite émission sur Radio Shalom, donc. C'est bien. D'accord, mais il y a Marc Scalia qui est passé tout à l'heure. Il y a Marc Scalia, mais nous c'est la Radio Shalom locale. D'accord. Donc, c'est pas la nationale. On fait du décrochage. Très bien, c'est vrai. Merci beaucoup de nous avoir appelés. En tout cas, ouais, je voulais vous dire que bravo pour l'initiative, elle est géniale. Et que, en fait, moi, ce qui me fait super plaisir, c'est de vous entendre tous ensemble. Pour prouver que, dans ces moments. Ça a coupé. Pardon, ça a coupé, Cédric. C'est vrai. Mince. Je disais que non, mais dans ces moments-là, il n'y a plus de concurrence. Parce que normalement, je pense que Bruno et Manu, vous êtes censés être concurrents. Et puis au final, vous êtes ensemble dans le même studio à faire la même émission pour le bien. Et ça fait plaisir. C'est une grande famille. C'est le principe de ces 48 heures. Il y a plein de gens de radio. Même, on découvre des gens aussi parce qu'on ne se connaît pas tous. Il y en a beaucoup qui se connaissent, mais tout le monde ne se connaît pas. Non. Et on est là, il y a une grande salle à côté où on discute tous. On raconte. Une petite quoi? Une petite propre. Une grande salle, une petite propre. Et voilà, avec des gens que tu as compris du monde des années 1923, d'autres 1804, comme Laurent. Donc voilà, on avance comme ça et on se respecte tous. Manu, question. Est-ce que Laurent est plus vieux que Madonna ou pas? Alors, non, Laurent n'est pas plus vieux que Madonna. Non. Madonna a connu le. Pas loin. Les parents de Laurent, les arrière-grands-parents. Donc, c'est différent. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Oui. Manu, je te fais juste parce que ma belle-fille est à côté de moi. Elle saute dans tous les sens parce que c'est que je suis au téléphone avec toi et elle est fan de toi. Ouais, ou alors elle fait une crise d'épilepsie. Hein. Attention, aussi, c'est possible, peut-être. C'est les deux. Ça, je sais pas, on va vérifier après du coup. Quand on aura raccroché. Ouais, bah, quand j'aurai raccroché, elle attendra. Hein. C'est pas grave. Donc, du coup, voilà, elle voulait te faire un gros bisou et te remercier pour ce que tu fais tous les matins, enfin, ce que vous faites tous, parce que franchement, vous faites tous du bon boulot et c'est extraordinaire. C'est génial de vous entendre à la radio. D'accord, amène-la à l'hôpital maintenant qu'elle fait sa crise quand même, c'est important. Merci. Ben, merci beaucoup, Cédric, merci, de nous avoir appelé. On va avoir Caroline dans un instant pour 60 000 euros, les amis. On va jouer à Question pour un gros don, qui est le jeu fil rouge de ces 48 heures. Ça va nous permettre de rajouter 60 000 euros à l'argent qui est collecté à vos dons déjà, on en est à 326 955 euros. Tu sais que j'ai jamais compris cette histoire de fil rouge. C'est-à-dire ? Fil rouge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fil rouge ? C'est une expression. On est là, oui, c'est le fil rouge de ton émission. Où est-ce qu'il y a un fil rouge ? C'est le fil rouge sur ton pull. Ce n'est pas un vrai fil rouge. C'est vrai en plus. Oui, c'est une bizarre cette expression. C'est le principe des expressions. Il y en a beaucoup comme ça. On va se faire chier si on commence à parler de toutes les expressions. Mais c'est vrai. Hein. C'est ton choix. Ouais. On écoute les enfoirés ? Ah oui. Encore c'est un peu en fil c'est rouge. C'est fou, hein. J'ai l'impression c'est... que... Bah, c'est un fil rouge. N'écoute que les enfants. C'est le fil rouge de ces 48 heures. Et juste après, avec Caroline, on va pouvoir rajouter, je l'espère, 60 000 euros à vos dons. 326 955 euros déjà collectés. Et le titre, c'est... Mes chaussures sont aussi pour... La chanson du bénévole. Ça s'appelle Mes chaussures. Des gens qui passent ici. Mon manteau n'est pas beaucoup plus neuf que celui du pauvre rute. J'ai marre d'eau comme tout le monde. Des coups de blouse et maison dedans. On n'a pas trop mais on a du bol. Et nos vies chantent. On est bénévoles. Bienvenue dans ma vie. Dans ma maison y'a ni plus ni moins. Ni plus ni moins que chez le voisin. Un peu plus d'amour à partager. Et moins de temps devant la télé. Je ne dis pas trop ce que je fais. L'humanité par ici c'est succès. Pas de médaille ni d'auréole. On n'est pas des saints, juste des bénévoles. Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. Ouais, non, non. Dans nos slips. La chanson du bénévole un peu trop collant du coup. C'est ça. C'est Radio Resto, on est là. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 5. Et c'est le plan à 3, c'est le nom de cette émission qu'on se donne depuis maintenant 5 saisons, ouais. Avec Laurent Petit-Guillaume, avec Bruno Guillon. Et avec Manu Lévy. Et cette info quand même que tu as eue ce matin, Manu, dont il faut reparler aujourd'hui, ce soir, entre 10h entre midi et 14h avec Arthur. Oui. Le patron des radios du groupe Énergie qui a dit l'année prochaine, il y a un truc qui se fera sur nos antennes. En fait, on a fait une émission tout à l'heure entre midi et 2 avec Arthur, et Arthur à un moment a dit, mais est-ce qu'en fait, on pourrait pas ne pas rester enfin, ne sortir du web uniquement et le faire sur toutes les radios. Et je lui ai dit, l'idée au départ c'était ça, mais c'était très compliqué. Et il a dit, mais il faut le faire pour l'année prochaine. Et j'ai reçu un SMS quelques minutes après de Gaël Sanquer, qui est le directeur des radios du groupe Énergie. C'est vrai. C'est OK pour nous. Donc, sur Énergie, sur Nostalgie, sur Chéri FM et sur Rire et Chanson. Il y a déjà ces quatre radios-là. Et ensuite, on va aller voir les patrons des autres radios. Ben, et on va aller voir le patron d'RTL. Bien sûr. Ben voilà, Régis. On va aller voir Régis. Non, il n'est pas là. But, c'est que l'année prochaine, France Bleu sera d'accord. Sur quelques heures, peut-être le samedi, entre 9h et 14h, comme ça, il y a les 48 heures. Comme d'habitude sur l'application, sur radio.restoducœur.org, et en plus de faire un truc sur toutes les radios pour les 40, en plus ce sera les 40 ans des Restos du Cœur. Il faut que j'appelle quelqu'un. Ah. Les amis, qui m'a demandé de passer à l'antenne. Oh là là. On la connaît ? On la connaît ? Barack Obama, je pense. On va reconnaître sa voix. Parce que Karine, elle reconnaissait toutes les voix. Allô ? Allô. Oui, allô. Bonjour. Marc Lavoine. Non, ce n'est pas Marc Lavoine. Est-ce que vous pouvez parler, invité mystère ? Alors, je ne suis pas vraiment l'invité mystère, je suis surtout. C'est Véronique Sanson. Ah ouais. Et je travaille aux éditions Grasset. Je vous écoute depuis le début de cette émission. Oui. Et je voudrais, si vous me le permettez, vous proposer de faire un recueil de vos anecdotes pourries. C'est quoi cette vague d'être votre show de show de... Alors, on entend pas bien, ça capte pas très très bien chez vous. Invité mystère. Vous m'entendez mieux ? Oui, très bien. Oui. Je disais, je travaille aux éditions Grasset. Oui. Et j'écoute votre émission depuis le début, et je souhaiterais faire un recueil de toutes vos anecdotes. Il rit en plus. Alors, effectivement, je pense que vous êtes délecté des anecdotes de l'anti Guillaume. Non, ça va. Depuis le début de cette journée, je n'ai de cesse de prendre un plaisir fou à écouter ces anecdotes du Moyen-Âge. C'est une personne apparemment qui travaille dans une maison d'édition et qui aimerait écrire un livre. Tout à fait. Solant, va. M'a ravi avec ces bonnes petites anecdotes de ce soir. Vraiment, ça fait plaisir. Mais c'est Arthur, non ? Mais non, c'est pas Arthur. La voix d'Arthur. Moi, je sais qui c'est, je peux pas vous le dire. Mais non, c'est pas Arthur. Il a autre chose à faire à ce temps-là, il regarde ses émissions. C'est quoi ? Il pourrait. Mais non, il regarde ses émissions. 23h30, qu'est-ce que tu penses qu'il fait ce temps-là ? Il veut des rediffs. Mais non. Il regarde ses émissions ? Bah, celle qui va passer la semaine prochaine. Dites-moi, monsieur petit Guillaume, quelle est votre routine beauté ? C'est Arthur, bien sûr. Je ne sais pas, il te parle en direct. C'est Arthur, évidemment. Mais je me crème. Non, mais parce que vous avez un front, il est lisse, on dirait un cul. Non, c'est pas Arthur. Mais non, à ce temps-là, il dort. Ah, mais je sais pas. Invité mystère, est-ce que vous voulez. Ah, si, le rire, c'est lui. Ah, le rire, c'est lui. Ah, c'est lui, bien sûr, c'est lui. Évidemment. Il avait pris sa voix. Il a vu ses. Vous êtes au courant qu'il y a des gens qui vous écoutent, parce que là, les anecdotes de ma tante, là, depuis tout à l'heure. Oh là, comment je l'ai eu avec. Et encore, toi, Arthur, imagine, tu les écoutes de chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Nous, on est bloqués. Lui, en studio, on est bloqué avec Manu, on dirait une prise d'otage, mec. Ils m'ont fait boire un spritz. Il arrive plus à parler, il arrive plus à articuler. Ils m'ont fait boire un spritz. Tu connais des gens, tu peux venir, non. Oh, les salauds. Oh là là. Comme quoi, quand il veut, il a une belle voix, hein. Oh, cette attaque! Non, mais c'est vrai, t'avais une belle voix, là. Ce tacle, alors que nous, on est super sympas, on vient le voir à l'EHPAD une fois par an, tu vois. Quelle bande d'escrocs! Oh là là! Super, franchement, je vous écoute, c'est très sympa. Bah, tu nous manques. Ouais, non, mais si tu es juste manqué, tu m'aurais invité. Ah, il est là, Guillaume. Oui. Guillaume. Il est là, Guillaume. J'aime quand il fait ça. C'est longtemps que tu n'as pas vu Bruno, tu me manques. Ben oui, mon chéri, mais c'est maintenant que j'ai gagné le grand concours des animateurs. Je fais une tournée en province avec mon trophée. Je fais tous les Intermarchés là, du Sud-Ouest. Les gars, je vais faire la prochaine. Et là, tu vas voir, je vais te mettre meilleur grave ta race. Mais tu vois, tu peux le rajouter sur ton CV. Ouais. On en est à combien des dons, là ? On en est à 326 975 euros. Ouais, rafraîchis un peu. Pas mal du tout, dis donc. Pas mal du tout. Est-ce que t'as dit à Bruno la grande nouvelle de ce matin? Alors en fait, on vient d'en parler un instant. Pour un mec qui appelle en disant je vous écoute. Il a pas dit qu'il entendait. Vous m'avez appelé, vous m'avez mis en attente, j'entendais rien. Ah, c'est ça. Ça c'est important de le dire. J'ai dit, il faut, du coup, je vais aller voir le patron d'RTL, je vais pas passer pour un con, quoi, tu vois. On va aller voir Régis, tu vas voir. Ouais, bien sûr. Ça va être génial. Mais il faut faire ça, ouais, bien sûr. Je peux venir avec vous, non, c'est pour mon futur. Bien sûr, évidemment, évidemment. Mais non, mais c'est grand si on y arrive. Bien sûr qu'on va y arriver. Mais non, mais ce sera les 40 ans des restos et à un moment, voilà, il faut sortir un peu. Bien sûr, c'est les doigts du. Ah ouais, non, mais heureusement qu'il y a un entrepreneur dans la bande. Parce que sinon, évidemment. Mais tu sais quoi. Mais clairement, quand c'est. T'as plus de poids que nous, hein. Physiquement déjà. C'est Guillaume, monsieur. Ah, c'est Guillaume. Oui, c'est Guillaume. Attention. Ouais, mais regarde, là, il m'a pas vu depuis longtemps, mais il se dit putain, j'ai vu ses vidéos de sport sur son Instagram, etc. Et du coup, il sait pas trop. Attends, il y a un an, on l'appelait Laurent Hournac, hein. Ouais. À la grande époque, hein, de Laurent Hournac. Je vais la mettre, peut-être sera le titre du livre d'anecdote. On sait pas. Ça peut aller très très loin. Ah, putain, si j'avais su, je serais venu. Hein, ce soir, bah, l'année prochaine, si tu veux. Hein. Bien sûr. On fera un plan A4. Hein. Oui. Ah non, mais ça me ferait plaisir. Bah, invitez-moi l'année prochaine. Allez, enfin, invitez-moi. Ouais, bâtard, mais c'est encore moi qui vais tout prendre avec toi. Et non, mais t'en mets pas à me demander si je me crème et tout. C'est magnifique. Deux titres de films. Mettez-moi l'année prochaine. Et c'est moi qui vais tout prendre. Bon, les loulous, bravo pour ce que vous faites, parce que des mecs du matin qui sont un samedi soir alors qu'ils devraient être au fond de leur lit pour le resto du cœur, il n'y a pas plus comme preuve de générosité. Merci. Oh, ici, il y a deux, trois trucs en plus, mais ouais, c'est pas mal déjà, quoi. De toute façon, on se voit demain après-midi. Oui, à demain. Ah, bah, absolument. Voilà. Il revient demain après-midi. Nous saluer. D'accord. Mais Arthur est là depuis le. Alors, très non, sérieusement, depuis le début. Ouais, ouais. Et à chaque fois, je lui dis, on fait une émission, il me dit, bah, le problème, tu me donnes la date. Ouais. Il annule tout à chaque fois. Il est là. Et on lui a donné son mariage, une fois. Ouais. Bien sûr, bah, je lui ai sauvé la vie, putain. Tu sais qu'au départ, Radio Resto s'est créé pour que Arthur ne l'aille pas à son mariage. Mais on lui fait plein de surprises. Non, il franchement. Était sympa, et puis je trouve que prendre un petit billet de 50 000 une fois par an, ça n'a jamais compté. Vous n'êtes pas payé, vous. Allez, je vous embrasse fort, les gars. Nous aussi. Pour tout ce que vous faites, et continuez à donner des dons. Hein. Ok. Et les anecdotes. Je crois qu'on va se voir demain, Bruno. Oui, on se voit demain. Ouais. Et ben voilà. Et plus vous donnez de dons, moins Laurent a le temps de faire des anecdotes. Ouais, c'est ça, en fait. Ça lui ferme sa, ouais, voilà. Sa gueule. Bon, à demain, Arthur. Merci, tu auras demain. Une petite anecdote avant que tu racontes. Non, c'est bon. Non, mais okay, les meilleures anecdotes, c'est celles que tu as eues entre midi et deux. Qui a appelé pour dire moi, j'ai fait mon bac d'espagnol dans le même lycée d'Arthur, mais pas la même année, mec. J'étais dans ma voiture, j'ai ri pendant 2 ans. Bah, il y avait 20 ans de décalage. Ah, mais ça, plus la clarté, c'est il a mis la barre haute. Ça, c'était extraordinaire. Allez, je vous embrasse, les garçons. Ciao et bonne nuit. On le fait ce jeu ou pas? On a 60 000 euros à vous offrir maintenant. Allez, Radio Resto, question pour un gros don. C'est le jeu, comme le dit si bien Laurent Petit-Guillaume, fil rouge de ces 48 heures. Ouais, c'est vrai. Plusieurs fois dans ces 48 heures, on fait un jeu. On vous pose 3 questions. Voilà. Vous avez juste à répondre correctement à ces 3 questions. Et non, on ajoute. Avec des propositions de réponse. Oui, absolument, bien sûr. Vous répondez correctement. Et on ajoute automatiquement 60 000 euros aux dons collectés. On en est à 326 985 euros. T'as augmenté. Bah oui, augmenté. Hein ? T'as encore augmenté. Oui, ça a encore augmenté. Je mémorise à chaque fois. C'est le principe d'une. Alors, il n'y a pas de mal. Caroline. Sophie. Non, Caroline. Caroline. Caroline. Ah. Allô ? Oui. Eh bien, bonjour, sois la bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonjour Caroline. Bienvenue, c'est Radio Resto. Tu nous écoutes depuis longtemps ou c'est la première année? Depuis le début. Depuis les 5 ans? Oui. Est-ce que tu fais de la radio toi-même, Caroline? Non, pas du tout. Non. D'accord. Et t'as un historique avec les Restos du Cœur ou Oui, en fait, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé comme bénévole. Enfin, ouais. J'ai été bénévole aux radios. Au resto. Je t'en prie. Je suis un peu troublée. Au Resto du Cœur. Et donc du coup j'ai pu toucher vraiment de très près ce que c'était et voilà, ça m'a beaucoup apporté. J'espère avoir apporté beaucoup aux autres et puis voilà. Bravo Caroline. Bah, là, tu as apporté beaucoup parce que si tu réponds correctement aux questions qu'on va te poser, tu vas remporter 60 000 euros pour les restos. D'où habites-tu? On est désolé pour Laurent Petit-Guillaume, hein, bien sûr. Non, je vais vous dire d'où viens-tu. À tout moment tu peux raccrocher. Où habites-tu? Non. Tu habites où? Caen. Allez, à Caen. Ah, c'est bien, Caen. Je rappelle le principe du jeu, c'est très simple. Je vais te poser trois questions. On va chacun notre tour, on va poser une question. Tu auras trois propositions. Il suffit d'avoir les trois bonnes réponses pour qu'automatiquement, on rajoute 60 000 euros. Facile, contagieux. Non mais t'es contagieux, je crois. Je commence, je fais la première. Allez, première question, allez, c'est Laurent qui te la pose. Alors, Caroline, dans quelques semaines, les Restos du Cœur vont lancer leur. Dans quelques semaines, les Restos du Cœur vont lancer leur nouvelle campagne. Il s'agira de la 30e, 35e ou 40e campagne. 30, 35, 40. Réponse de. La 40e. 40. Bonne réponse. Attends, on ne dit pas encore. Ah oui, t'as raison. On le note. Je note qu'elle a dit 40e comme la bonne réponse. Ok. Suspense. Deuxième question, c'est Bruno qui te la pose. On ne souffle pas. Quel grand champion sportif la toute première bande d'enfoirés a-t-elle accueilli en décembre 1986? Oh la vache. S'agit-il de Léon Marchand? Proposition. Peut-être Léon Marchand, oui. 1. Michel Platini. Peut-être aussi. Proposition 2. Ou Antoine Dupont. Antoine Dupont. Ah, voilà. Proposition 3. En 1986. 6-86, Léon Marchand. Caroline, d'après toi. Dupont-Marchand. Michel Platini. Michel Platini, c'est ta réponse, c'est on la garde. Non, 86, il me paraît être né. On ne te dit pas encore si c'est la bonne réponse. J'aurais dit Léon Marchand. Tu as donné Michel Platini qui est la bonne réponse. On continue. Voici la troisième question. Oh, quel suspense. C'est un thème, parce qu'il y a des thèmes, hein, vous avez pu le remarquer. Oui. C'est sur le monde de la radio. Ah. À l'origine, sur quelle radio Pierre Bellemare racontait-il ses dossiers extraordinaires? À l'origine, est-ce sur Europe 1, sur Radio Nova, sur Fun Radio Europe 1. Il a bossé sur La Voix du Lézard aussi. Sur Europe 1. Tu dis Europe 1, c'est ta réponse. Attention, il y avait peut-être un piège. Hein. Attention, voici les bonnes réponses. Dans quelques semaines, les Restos du Cœur vont lancer leur nouvelle campagne. Il s'agit de la 40e. C'était une bonne réponse. Quel grand champion sportif, la toute première bande d'enfoirés a-t-elle accueillie en décembre 1986? C'était Michel Platini. Ah, j'aurais perdu. Les paroles dans la chanson. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien. C'est du Michel dans le texte. C'est du Michel Platini, ça. Bien sûr. Bah ouais. C'est lui qui a écrit ça. Et après, il a écrit Fruité, c'est plus musclé. Ça n'a pas été sa meilleure, mais. Ouais, mais ça lui a rapporté plus d'argent. Si tu as donné la bonne réponse à la troisième, c'est gagné. À l'origine, sur quelle radio Pierre Bellemare racontait-il ses dossiers extraordinaires? Tu as dit Europe 1. Et c'était Fun Radio. Et maintenant, les histoires extraordinaires sur Fun Radio. Le son dance music. Alors, entre David Guetta, c'est là où Stéphanie ouvre la porte avec un couteau quand soudainement, son mari Bernard se précipite sur elle et lui dit « Ne serait-ce pas David Guetta ?» C'était Europe 1, ça veut dire que c'est gagné. Bravo. Ouais. Attention, grâce à toi et à la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous allons passer les caps du. Nous allons passer de 326 985 euros à 386 985 euros. Donc nous avons dépassé les 350. Ouais. Oui, absolument. Oui, mais bien sûr. Bravo. C'est le principe, Laurent Petit-Guillaume. Bravo à toi. Et bravo à Caroline. Bravo à Caroline, surtout. Alors, merci à vous. Vous m'avez un petit peu aidé. Eh ben, bravo. Oh, pas du tout. Non, alors, je vois pas comment tu peux te permettre de dire ça. C'était vraiment, c'était sous contrôle d'huissier. Toi, t'es avec les Restos du Cœur depuis longtemps. Et ben voilà. Là, tu es récompensé. Tu continues encore, grâce à toi, 60 000 euros en plus. Bravo à toi. Ta vie va changer. Voilà. Ah, il croit pas trop. Non, mais. 386 985 euros récoltés depuis hier 20h et 60 000 en plus grâce à toi Caroline. On t'embrasse. Direction les 400 000 avant minuit. Mais pourquoi pas? Ce serait génial. Pourquoi pas. Alors, si on arrive à 400 000 avant minuit, ce serait grandiose. Bah, des hommes d'affaires, des femmes veuves milliardaires. Si, ça existe. Bien sûr, évidemment. Des hommes veufs aussi. Des hommes milliardaires, ça milliardaires. Des veufs milliardaires, évidemment. Voilà. On t'embrasse Caroline, merci Caroline. Beaucoup. Et tout de suite nous sommes avec. On va faire une petite pause, non? Ouais. Un petit blind test. Avant de terminer. Et on se fera un blind test après. Ouais, d'accord. Ah, oui, d'accord, très bien. Allez, Too Funky. Ah, voilà. George ça, Michael. C'est de la musique. Encore un choix de Laurent Petit-Guillaume. Alors, pas bon? Pas mal. Magnifique. Ça, c'est bon, ça. Écoute-le, il arrive avec son blouson en cuir là. la banane, hop, le t-shirt. Non, tu confonds avec Guy Rivers. À l'époque, il avait les cheveux quasiment rasés. Ah oui, c'est vrai, les cheveux courts à l'époque. Je suis un gros fan de George Michael. Petite barbe aussi. Ouais. C'est vas-y, pas vraiment genre. Une barbe, c'est un bouc. Mais ça, c'est respect. En tout cas, merci Laurent de t'être. Si tu nous écoutes. Non. Non, le cadrage est raté. Hein. Et puis, il nous écoute pas. Ben, c'est compliqué. Ouais, c'est... Comment t'expliquer ouais. Après, c'est... Après le décès, évidemment. Ouais. Oui. Tiens, on souhaite une bonne soirée, en tout cas à l'écoute de Radio Resto, le petit George, le petit Michael, le petit George Michael à l'instant. On adore ce titre, ça s'appelle Too Funky, parce qu'on est fan de funk sur Radio Resto. Les loulous, je suis avec mes deux frangins de micro, il y a Laurent Little Guillaume. Yes, respect à tous les et amis. Manu Lévy en tout cas. Salut, moi j'ai moins de budget que Nico, que Bruno, et donc je fais mon écho tout seul. Question de thunes, désolé. Cette passion de la radio qui nous unit fait ouais. qu'on a tous, un jour dans notre vie, travaillé en radio avec un gars qui animait exactement de cette façon. Mais bien sûr. Moi, j'en ai eu un qui travaillait comme ça. Son émission s'appelait Vibration. Il avait un jingle qui faisait Vibration. Et le mec, il parlait, ouais, salut, en tout cas, j'espère que ça va bien, là, ce soir, où vous soyez, on vous souhaite un bon appétit, si vous êtes à table. Et il a créé le micro, il disait, et dis donc, tu sais que... C'était ridicule. Bah ça, c'est les DJ dans certaines... Mais j'ai adoré. Mais de temps en temps, tu peux. Moi, j'adore quand je me balade n'importe où, et tu chopes des radios, et des fois, tu peux tomber sur un mec comme ça, qui a encore une chambre d'écho, quoi. Voilà, c'est la vie. 23h46, c'est Radio Resto, c'est le plan A3, comme chaque saison, deux heures avec Laurent Petit-Guillaume, c'est ça, Bruno Guillaume, c'est dire. Et on est bien jusqu'à minuit, un petit point don, 386 985 euros. Pour les Restos du Cœur. C'est pas mal. Oui. avec cette année, effectivement, tous vos dons. On a dit qu'on arrêtait de prendre la voix de ringard. Si on prenait la voix normale. Si on faisait un petit jeu. J'ai un petit jus du cul. Un petit jus du cul. Et t'as encore du blind test ou pas? Et il y a encore du blind test. Alors, après. On fait jus du cul, blind test, et après on vous prend au téléphone. Voilà, d'accord. Ah non, mais en plus il y a Medjahed qui a. Oui, on va avoir Medjahed. Laurent. Oui. Cite trois métiers. Donc trois. C'est, là, c'est un jus du cul classé un peu. D'accord, ça. Ok. Cite trois métiers souvent présents dans les films porno. Proctologue. Non, t'en as très peu. Non, non. Dans les films porno, t'en as pas. Plombier. Plombier, c'est la base. Plombier. Repasseuse. Repasseuse. Oui, des filles qui repassent comme ça. Avec un petit tablier, rien en dessous, et elle repasse. La dernière fois que tu as vu un film porno. Et ben justement. 1984. En soubrette. Oui, oui, d'accord. Habillé d'accord. En soubrette. Mmh. Ouais, ouais. Plombier. Mais t'as pas donné de métier. Habillé en soubrette, c'est pas un métier, toi. Bah si, femme de chambre, d'accord. Élégamment habillée, mais légèrement. Et puis, je dirais prêtre. Prêtre ? Ah, il y a des films avec des prêtres. Bah non. On regarde pas les mêmes. Vraiment. Non, là, c'est... Ben, non, enfin, j'ai ceux de l'abbé Pierre, mais ils sont pas sortis encore. Pour l'instant, on a qu'un teasing. On a un teasing, mais on n'a pas vu les doses encore. J'aurais dit chauffeur, moi. Ah, chauffeur ouais, aussi. Ouais. Et toujours le chauffeur, madame. Ouais, ouais. Bien sûr, évidemment. Ouais, ouais. Le l'agent de sécu aussi. Ah oui, exactement. L'agent de sécu, tu vois la nana voler des trucs et bim, tu vois. Ouais, ouais. Alors après, on est évidemment dans des films X, un peu beau, très genré, etc. Manu cite trois raisons. Je vous rappelle, c'est le jus du cul un peu classé X, mais il est jus du cul. Mais on a le temps, il est bien du 23h48. Cite trois raisons d'enduire ton sexe de sauce harissa. Oh là là là là, mais quelle horreur. Ou le sien. Ou le sien à qui? Le sien. Bah de la personne qui est avec toi, tu vois, tu choisis. Ah, d'accord. Alors, pour détruire toutes les bactéries. Ah oui, bonne idée. Ça, la sauce piquante, ça peut vraiment. Non, je crois pas que ça marche. Non, ça marche pas, d'accord. Je sais pas. Si ça marche, je le sais que. Un cousin qui m'a dit que, pardon. Ensuite, pour empêcher quiconque d'approcher de moi, qui prendrait le risque? Et contre les bêtes? Contre les bêtes aussi, bien sûr. Ah oui, ça protège. Bactéries, bêtes, ou personne. Enfin, ça protège de tout. Mm-hmm. Et enfin, une troisième raison, peut-être trop d'alcool? Ouais. Mais le goût aussi, le goût, excusez-moi. Le goût de l'harissa, non, c'est injouable. Oh bah si, c'est pas mauvais l'harissa. Oh, t'en mets bien sur les merguez. C'est le cas de le dire. Mais un tout petit bout, tu vois, là c'est vraiment, je me l'enduis quoi. Merguez. Je m'enduis de l'harissa, non. On a Medjahed avec nos téléphones. Ah, il faut présenter Medjahed. Ah oui, bien sûr. Medjahed, c'est alors pour le coup, c'est un auditeur de radio, mais c'est un fou de radio, Medjahed. Ouais, ouais. Et je crois d'ailleurs qu'il fait de la radio également. Oui, bien sûr, c'est de la radio. Medjahed, il est atteint de cécité. Oui. Il ne joue pas au foot. Il était venu nous voir l'année dernière. Et je pense que n'importe quel animateur de Radio Nationale a eu un jour le plaisir d'avoir Medjahed au téléphone. D'ailleurs, je pense que un animateur qui n'a jamais eu Medjahed en ligne dans sa radio n'est pas animateur. Il appelle toutes les radios. C'est le maître étalon de la radio. Si t'as pas eu Medjahed, t'as raté ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'émetteur ne fonctionne pas. Ouais, exactement. Et donc là, on est rassuré, ça fonctionne parce que nous avons Medjahed au téléphone. Ah, Medjahed, salut. Salut tout le monde. Ah, comment ça va? Ça va, Medjahed, mon pote. On le reconnaît parce qu'il parle pas du bon côté du téléphone à chaque fois. C'est ça. Voilà. Retourne-le dans l'autre sens. Là, voilà. T'as mis le côté où c'est l'oreille normalement, Medjahed. Ah bah pourtant, oui. Et ben voilà, tu vois, ça y est, ça marche mieux. Ça y est, ça va être. Il a toujours ce petit rire communicatif. Évidemment. C'est la joie de vivre, Medjahed. Medjahed, tu sais... Comment allez-vous? Ah bah bien. Et toi, depuis les JO paralympiques? Moi, j'ai une amie qui est comme toi, qui voit que dalle. Je lui dis l'autre jour, on était à la cantine, et je lui dis... oui, à la cantine. Et je lui dis, bah alors dis donc, depuis les Jeux paralympiques, ta vie, est-ce que ta vie a changé? Elle me dit, m'en parle pas, c'est horrible. Dès que je monte dans le bus, tout le monde se lève pour me donner sa place. Les gens veulent absolument savoir où est-ce que je descends pour m'aider à descendre. Et quand je traverse la rue, il y a 7 personnes qui m'aident. Bah, c'est même bien, non? Non, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Ah non, elle n'en peut plus. Tout le monde lui dit, vous descendez où, mademoiselle? Vous descendez où, mademoiselle? Je peux vous aider à descendre, mademoiselle? Elle sait très bien où elle descend. Et c'est toujours au même endroit. Et ouais, elle sait très bien traverser là. Du coup, les gens ont pris conscience des gens qui ont un handicap, donc ils veulent aider toi plus, parce que c'est un bon geste au départ. Elle me dit, il y a un petit garçon que j'ai entendu. Maman, la dame, elle voit rien, je peux que l'aider à traverser. La mère lui dit, oui, vas-y, hop. Il a pris la manche de ma copine et il l'a forcée à traverser. Elle voulait de l'autre côté. Ce qui fait qu'elle s'est perdue. Elle ne voulait pas traverser. J'étais en train de téléphoner, le mot m'a agrippé pour me faire traverser. Tu connais ça aussi, Medjahed, ou pas? Ah, moi je connais ça, oui, plusieurs fois. Mais moi, le truc qui m'agace, moi, c'est quand les gens t'attrapent par le bout du manteau pour te guider. Ça, voilà. Ça, Mais bien sûr. Après, l'avantage que t'as par rapport aux autres, c'est que t'as une canne blanche pour leur taper dessus. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, la canne. Hein. C'est pas pour te diriger. Hein. C'est pour foutre sur la gueule des gars qui sont relous. Tu sais que moi, je voulais faire une vanne. Mais déjà, t'es allé voir des matchs de Cécifoot ou pas pendant les Jeux Paralympiques ou pas du tout? Tu t'en fous? Aller parce que moi c'est pas tout, le sport c'est pas du tout mon truc, hein. Ouais. On avait vu aller le voir pour lui, il verrait pas grand chose non plus, donc non mais tu sais, non mais si, parce que justement t'as des gens qui peuvent te raconter qui le match à chaque fois. Mais moi ma vanne, je m'étais dit ce qui serait drôle, parce que en fait il se dirige, il y a des clochettes dans le ballon, bah oui. Et moi j'avais dit à mon équipe de radio, les gars on y va, il y avait plein de places de dispo, mais on vient tous avec des clochettes. Alors je pense, et tu te mets à différents endroits des trucs, et dès que t'as l'équipe adverse tu fais sonner, mais tu sais, à différents endroits du... Et le gars, il est comme un chien, tu sais, il devient complètement fou en mode ça vient d'où. Est-ce que c'est politiquement correct? Je ne pense pas. Non, pas oui, mais ça va, oh, ça va, oh, ça va. Écoutez, écoutez, enfin tout de même. Oh, et oh, on n'est pas du tout. Hein. Mais disais sympa, franchement, Bruno, t'aurais dû le faire. Mais ouais, je suis sûr que ça aurait mis un petit peu d'ambiance, quoi, tu vois, vraiment. D'un côté sympa. Non, franchement, bah écoute, en tout cas, vous parliez de l'idée de faire de la radio avec plein d'autres radios pour l'année prochaine. Ouais. Et pourquoi pas faire aussi avec France Maghreb 2. Mais bien sûr. Mais avec toutes les radios. Mais alors nous, on aimerait, mais tu sais, on avait eu ce problème la dernière fois, on te l'avait expliqué hors antenne, mais là, c'est que tu sais que Laurent est raciste. Et donc, il nous avait dit, non, franchement, pas ça, quoi. C'était ça le problème. Pas vrai, il y avait Kim de Beurre FM, qui est mon ami. Vive l'Algérie, Valdérié. Non, il y avait bien Kim ce matin de Beurre FM qui est un des fidèles de Radio Resto. Il sait, mais Jade, que je suis en train de l'aller. Non, mais alors, tu sais, pour le coup, si on le fait, évidemment, on ira taper aux portes de toutes les radios, de France Maghreb à Latina, en passant par... Bien sûr, mais depuis ce matin, j'ai reçu des messages de radio, et même des petites radios, des web radios, qui ont dit, nous, on vous diffuse, si l'année prochaine, on peut diffuser, quoi. Ouais, je t'explique. Une petite radio en province, elle peut avoir, ne serait-ce que pendant 2 heures, Manu Lévy et Arthur, et gratos. Alors, c'est ce que j'ai dit, pas de problème, mais bon, pour vous, évidemment, c'est payant. Enfin, c'est évidemment, c'est ça. C'est la moindre des choses, évidemment, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Bon, tu fais toujours de la radio, Medjahed? Je fais toujours de la radio. Moi, je suis là tous les jours de 18h à 20h, du lundi au vendredi, puis le week-end, 14h-18h. Ils ont un site internet et tout, pareil, où on peut t'écouter? Génial. Vous pouvez aller sur l'appli France Maghreb 2 et tout. J'anime un jeu qui s'appelle le jeu... c'est comme un jeu du ni oui ni non, mais c'est un jeu où on gagne jamais. Ah, génial. Ah, c'est quoi? Bon, on peut jouer avec toi? Vas-y, fais-nous jouer. Quel genre de question? Vas-y. Il n'y a pas de souci, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs... Ça s'appelle Ragonda ou aérosol. En fait, je vais te poser des questions et tu ne dois pas me répondre. Ça, c'est hyper dur. Ou aérosol. Non, regarde, on va jouer. Qu'est-ce que t'as cuisiné hier soir? Moi, j'ai mangé du Ragonda. Perdu. Oh, toi, putain, c'est fou. Putain. Ah non, c'est hyper dur. Ah, c'est horrible. C'est Ragonda ou aérosol. C'est fou. Laurent, ouais. Ok, regarde bien. Oui, attends, un peu. Je me concentre, putain. Où est-ce que tu veux partir en vacances cette année à Noël? Vers aérosol ou bien... Mais voilà, c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Oh, mais oui, mais tu m'as piégé. Tu mais savais non, où j'allais partir. C'est une question quand même basique, quoi. Alors, c'est une chose, c'est impossible. Mais tu pièges aussi. Tu pièges parce que tu sais où je pars. On avait le même qu'on avait fait en radio à l'époque, je te parle ça, mais il y a très très longtemps, qui s'appelait Serjoin ou Béatrice. Serjoin ou Béatrice. C'est compliqué ça aussi de. T'es obligé, t'as pas le droit de dire. Par exemple, voilà, tiens, tu parlais de ton cousin tout à l'heure. C'est quoi son nom de famille? Bernard Serjoin. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est fou. C'est horrible. Te fais niquer à chaque fois. Serjoin. On a mangé. On a mangé au restaurant tout à l'heure. Ouais. Je crois que t'as pris un toast à l'avocat. Il avait goût de quoi? De Béatrice. Oh, c'est un truc de dingue. Il m'a eu encore. Mais bien sûr. Comment tu fais? Mais ça marche à chaque fois. J'avais un jeu dans le même style. C'est vrai. Il y a quelques années, on l'a arrêté parce qu'en fait, les gens gagnaient pas les cadeaux. C'était avec que des prénoms. C'était Michel ou Jean-Michel. Tu devais dire ni Michel ni Jean-Michel. Alors, c'est pas facile. Mais tu te dis comme ça, c'est facile et tout. Facile. Exemple, Bruno. Ouais. Bruno, on est où aujourd'hui là? Là, on est à Radio Michel. Mais voilà. Vive perdu dès le départ. C'est génial. C'est un truc de malade. Ah, le piège. C'est fou. Hein. Laurent. Ouais. Laurent, tu dors dans quoi? Dans un... Ah, tu vas m'avoir. Ça, c'est vrai. J'en ai deux. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Deux Jean-Michel. C'est un truc de dingue. Comment tu sais en plus? En plus, mais il sait les trucs. En fait, tu poses des questions parce que tu connais les réponses. Alors, Medjahed, c'est quoi ton jeu? Oui, pardon. Vas-y, c'est quoi ton Alors, jeu? Alors, je vous explique les règles du jeu, très simple. D'accord. Il y a un chrono qui démarre, bon, normalement. Ouais. Vous avez 30 secondes. C'est comme un jeu du ni oui ni non, sauf que là, dans ce jeu, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Mais les mots interdits c'est les phonétiques si pas bien. Oh, voilà. C'est quoi si pas si bien? Pas bien. Oh là là là voilà. Là. Si pas bien. Okay. Pas deux fois la même réponse et pas deux secondes de blanc non plus. Okay. Si pas bien. Alors, okay. Vas-y, fais-le avec. Attends. Manu, je mets un chrono de 30 secondes. Attends, je mets le chrono. Ah, t'as le chrono, ok, d'accord. Ah, faut pas. Attends. Dire si pas bien. Si pas bien. Ok. Si pas bien, pas deux fois la même réponse et pas deux secondes de blanc. Ok, okay, on y va. Allez, c'est parti. Salut Manu. Salut. Comment tu vas? Je vais plutôt mal. Comment? Je ne vais pas. C'est pas la. C'est pas la même réponse, c'est perdu. Bah, j'ai pas fini ma phrase. Ah, et si pas bien, j'ai dit pas en plus. Ah, c'est super dur. Vas-y, okay, moi j'essaie, j'essaie. Vas-y, Laurent, vas-y. Vas-y, j'essaie, je suis concentré là. Attention. Je suis bien, je vais mieux que tout à l'heure. Allez, on se concentre. C'est allez, parti. Attention. Ouais. C'est parti, top. C'est Laurent, c'est ça? Exactement. Comment tu vas, Laurent? Bah, si pas bien. Bon, Laurent a envie de partir. Il en reste 3 minutes, tu sais, il est épuisé, Laurent. Hein, c'est vraiment là. Attends, j'essaye. Avec Bruno, 30 allez. Secondes. Allez, vas-y. Allez, 30 secondes et vous gagnez des tonnes de cadeaux. Hein. Il y a des iPhones, tout à gagner. Allez, t'es ouais. Prêt? Ouais. C'est parti, on y va, top départ. Bon, Bruno, c'est ton vrai prénom, Bruno? C'est Jean-Michel. C'est Jean-Michel ton prénom? Grave. D'accord. Ah bah, je suis super content d'être avec toi, en tout cas. Hein. Plaisir partagé, mon pote. À partager, bim. Et c'est pas. Parti. Pas. Oh, merde. Ah oui, mais moi, j'étais sur pas PAS. Ah non, si merde. Pas bien. Mais c'est impossible. Mais c'est un jeu impossible. J'adore ce jeu. Je vais écouter France Grammaire. C'est comme Sergio au B13. C'est le même. Je vais écouter France Grammaire. Maghreb. France Maghreb 2. Et je vous jure, c'est vrai qu'à chaque fois, les auditeurs appellent pour jouer parce qu'ils disent j'ai mais j'ai très envie. On peut t'appeler lundi? Ah bah, vous pouvez m'appeler. Oh, je t'appelle lundi, je te jure, je vais gagner. Bah, mais Jet, merci beaucoup de nous avoir appelés. On va se faire des si pas bien dans le couloir. Ah ouais, c'est trop bien. Ah là, mais Jet. Merci, j'espère en tout cas que cette cagnotte va super monter. Donc n'hésitez pas, cher. Ah, t'as dit pas, désolé, je raccroche. On te souhaite une bonne nuit, Medjed. Medjed, merci. Très bonne nuit à vous, merci. Ciao. Eh, c'est génial son jeu. Ah, le si pas bien, nouveau pas, grand jeu. On va lui voler. Ouais. 23h59, on va s'en aller. Je te jure, l'année prochaine, déjà Radio Resto, je vous promets, il y aura une soirée si pas bien. Ah ben, on va se faire chier, mais avec plaisir. c'était le plan A3, le cinquième. Vous, alors, hein. Ouais. Alors, avant de partir, avant que Laurent Petit Guillaume nous annonce quand même la suite aussi demain matin, ouais, tout ouais, ça, il ouais, y a beaucoup ouais, de ouais, choses. Là, il y a le mix de Mikosé, je crois. Mikosé jusqu'à 7h du matin, ouais. Les gars. Vous savez quoi? Il nous a fait un mix de 7h qui va rendre hommage aux années 80, mais ah, un mais truc de malade. C'est un génie du mix, mais Mico. Bien sûr, Mikosé, la terre entière le connaît. Et depuis, je crois que depuis la première saison, il est avec nous. Hein. Toujours. Ouais. Il a toujours été là. Ah bah toujours. Il suffit de l'appeler, même quand tu l'appelles pas, il veut faire radio. Et tu vois, et ça a changé sa vie parce qu'au départ, il s'appelait Mikosé. Et il a guéri. Il tournait beaucoup moins bien. Et puis après, Laurent lui a filé 2-3 pommades. Et là, maintenant, c'est l'embellie. Ça va mieux. 388 285 euros. C'est le total pour l'instant des gons collectés. Des dons collectés. Ouais, c'est pas facile non plus. Je suis épuisé. Alors, la suite du programme pour demain. Allez. Alors, Miko, jusqu'à 6h du matin, hein, jusqu'à 7h du matin. Le réveil demain matin, c'est génial. J'ai réuni, enfin, nous avons réuni Laurent qui vient de Radio Star, c'est à Marseille. Vincent qui vient de Scoop, c'est à Lyon. Nicolas Baudon qui vient de France Bleu Saint-Etienne. C'est Lille, des grosses radios, il faut expliquer. Ouais. Ah, c'est des grosses radios régionales. C'est des grosses radios régionales. Contact, c'est où déjà? C'est dans le Nord. C'est dans, oui, c'est dans.